Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 93e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et c'est la première émission de l'année et pour cela, j'accueille Laurent. Salut Lolo. Salut et bonne année à tous. Et voilà. C'est ce qui se dit d'habitude pour la première émission de l'année. C'est ce qui se dit d'habitude, effectivement. Mais vu que les années se suivent et sont de pire en pire, est-ce que ça serait pas un petit peu se foutre de la gueule du monde que de souhaiter une bonne année aux gens? Oui, bonne question. Ah ouais. Bonne question. C'est de coutume, on va dire. C'est bien, ça commence dans la gaieté. Moi, je nique le moral de tout le monde dès le départ. Toi, tu serais d'avis de dire mauvaise année direct, on va tous crever. Non, bonne chance, tout simplement, bonne chance. Le PSVR 2 va être reporté à 6 mois. Bonne chance pour cette année. Bonne chance, ouais. Et est-ce que t'as passé des bonnes fêtes, mon petit Laurent? Oui, pas mal en vadrouille, un peu partout. Je suis parti un petit peu de partout en France. Mmh. Et j'ai fait beaucoup de kilomètres. Est-ce que tu as fini tes repas de Noël? Oui, ça y est, ça c'est fait. Est-ce qu'il t'en restait encore 7 ou 8, je crois, la dernière fois? J'ai clôturé la galette des rois le week-end passé. Ah ça, bah, la galette des rois encore, ça se clôture au mois d'avril, ça en général. C'est juste pour le plaisir. Ouais, ouais. Et à propos de galette des rois, nous avons Steph qui est avec nous. Salut Steph. Salut. Tu nous as préparé de bon aujourd'hui, Steph? Des galettes, des gâteaux des rois et des chocolatines. Hein. C'est vrai? Oh, c'est gentil. Il est gentil. Il vient pas souvent, mais chocolatine. Il est mignon, mais il est mignon. C'est quoi ça? Une chocolatine, ouais, c'est un truc. Je dis oui de la tête, mais je sais pas ce que c'est en fait. Hein. Ah, c'est compliqué. Vous pouvez pas comprendre. Vous vous êtes dit non. Ouais, seuls les vrais savent. Voilà. C'est la pâtisserie préférée des dieux. Exactement. Carrément. J'en aurais pas mieux. Ouais, je sors de God of War, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as passé de bonnes fêtes, Steph? Au travail. Oh putain. Ouais. Et après c'est moi qui nique l'ambiance, hein, mais... non, mais après c'est mon boulot. Pourtant je te trouvais assez optimiste sur la question, mais là il t'a fracasse. Ouais. Non, bon après je suis habitué, mais moi j'ai fait des semaines de 70 heures de travail, donc c'est un peu compliqué. Ah, ça va. C'est dur d'arriver à lier après famille, travail. Bon, après on s'y fait quoi, on est habitué. En tout cas, t'as réussi à te libérer pour celui-là, pour le premier de l'année, ça fait vraiment plaisir. Ça sera certainement le podcast où tu seras présent dans toute l'année. Mais... Ah, je pense, ouais. Ça dépend. Si on en refait deux jours. Un début d'après-midi comme ça, ouais. Encore, c'est faisable, mais. Ouais, c'est rare. Après 21h, c'est pas possible. Malheureusement, ouais, c'est un petit peu l'organisation pour le podcast. Vu qu'on a tous du taf, c'est vrai qu'enregistrer hors soirée, c'est quand même pas très très évident. Ouais. Sauf qu'il est exceptionnel. Bon, bref, après, c'est notre tambouille interne. Mais en tout cas, ça nous fait bien plaisir que tu sois là. Moi aussi. Par contre, il y a Majo qui est là aussi. Salut Majo. On parlait de galette, je pensais que tu allais m'introduire sans la galette des rois. Alors, est-ce que tu as passé un bon réveillon quand même? Ben bonjour, voilà, puisque nous on se fout de savoir comment étaient mes fêtes à moi. Ouais, on s'en fout. Ça va toi? Elles étaient comment tes fêtes à toi? Allez, on enchaîne. bonsoir, enfin non, bonjour, oh, j'ai pas l'habitude. Bonjour messieurs, moi qui dis bonsoir, je suis perturbé. Bonjour messieurs, ben écoutez, ça va, en forme. Bon, motivé comme jamais, le compteur n'arrête pas de tourner et d'avancer jusqu'à la date fatidique. Donc, on en est où top. Là? On en est où? 40 jours, 9h, 52 minutes, 51 secondes. Ah, j'ai 10, voilà. 50. J'ai 17 minutes, moi. 48. Ah, j'ai 46. Faut rafraîchir, les gars, faut rafraîchir. Voilà, on n'est pas accro du tout. Et puis, voilà, donc on est bien. On a de plus en plus de bonnes nouvelles, je trouve, qui arrivent, même si certains veulent nous faire croire l'inverse. Moi je suis au top, je suis en pleine forme. Majo sort les crocs. Je sens que Majo a des choses à dire. Pas du tout, c'est pas moi le bougon, c'est Steph. C'est moi. Y'en a merde. La merde. Oh merde, j'ai dit un gros mot. Oui, fais gaffe. C'est pas grave, on coupera. Non, les gros mots, il va falloir que je bip alors, du coup, parce que les gros mots maintenant sur YouTube ça va être terminé. Hein. Sinon, démonétisation. Et du coup, vu qu'on gagne à peu près 1€ par épisode. On aura perdu nos 1 euro. On aura perdu. Est-ce qu'on a le droit de dire Beat Saber sur YouTube? Parce qu'il y a Beat dedans. Ah, BEAT. C'est chaud. BEAT Saber. BEAT. Du coup, tu pourras parler ton anglais si particulier, Laurent. BEAT Saber. BEAT Saber, si tu veux. Il va fumer l'algorithme, Laurent. C'est ça. Majo, avec ses 3 putains par phrase, merde. On va jamais y arriver. C'est clair. pense qu'on n'est pas prêt de se faire du pognon. Ça, c'est clair. Je vais essayer de me retenir. Bon, sur ces bonnes résolutions, maintenant le VR for Player nouveau est arrivé, nouveau millésime, sans gros mots, sans... Attends. Et toi, t'as passé de bonnes fêtes, hein? Moi, oui, impec, super. Non, parce que... bon, mais faut pas. Okay. Mais c'est vrai, ça. On lui a même pas demandé. C'est gentil, Steph, de penser à moi. Non, mais tu sais, moi, je ne suis que le serviteur du podcast et je m'efface derrière mes invités. Tu vois, c'est parce qu'il n'est pas là tout le temps. Il n'est pas saoulé encore. c'est pour ça. Pas saoulé par moi. Super, merci. Hein. Bonne ambiance, hein. Bonne ambiance 2023. Hein, ça commence très très bien. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Ouais bah nickel, bien bouffé, bien picolé, bien plein de cadeaux, et c'était cool quoi. C'était bien sympa. Mais maintenant c'est la rentrée, fini de rigoler, on va passer directement. Attends, véritable question, est-ce que t'en as profité, est-ce que ta bonne résolution a été de précommander le PSVR 2, ça, puisque tu es aujourd'hui encore en tant qu'intrus dans ce groupe, dans cette team, et après tu t'étonnes qu'on te crache dessus, est-ce que tu as commandé... Carrément. Traître. Est-ce que tu as commandé ce PSVR 2? Alors, on en a discuté sur le Discord, franchement, avec l'annonce de GT7, j'ai pris GT7, je l'ai commencé, j'ai trop envie de le faire en VR. Je pense que d'ici ce week-end, il est possible que je renie absolument tout ce que j'ai dit ces derniers mois. Ah là là là là. Aucune conviction. Et que je croque la pomme. Et que je croque la pomme et que je le préco. Je verrai. Je me réserve tu encore. Tu croques la pomme, ça veut dire que tu vas passer chez Apple? Non, bah non, je suis pas si riche que ça quand même. Faut pas abuser. mais que je le préco. Voilà, il y a en plus le lien directement sur le site Verfar Player. Très très bonne transition. Pour pouvoir le précommander directement sur le site de Sony. Je le rappelle, sans que vous ayez besoin d'aider vers Verfor Player, sachant qu'on ne touche pas un copec si vous utilisez notre lien. Effectivement, je pense que oui, je vais peut-être pas tarder à craquer en fait. C'est ta bonne résolution de 2023. Voilà, de claquer mon pognon dans des conneries et des casques qui n'ont pour le moment aucun jeu dessus. une réaction peut-être. Non, rien à dire. La réaction sera dans le premier sujet en fait. Je déconne. Alors, du coup, on va pouvoir commencer. Alors, tu voulais nous reparler, Laurent, d'un dossier qui est sorti juste après le dernier podcast en date. C'est ça. C'est-à-dire les défis à surmonter pour le PlayStation VR 2. Oui, donc c'était un petit article qui était juste avant le CES, qui est arrivé, je ne sais plus quel jour, le CES. C'était le 3 janvier 2023, donc le CES, je crois que c'était le 5, un truc comme ça. L'article parlait justement des défis à surmonter pour l'année 2023-2024 et les années suivantes pour le PSVR 2. Il y a pas mal de monde, chacun dit la sienne en fait. Il y en a qui vont voir le verre à moitié vide, d'autres qui vont voir le verre à moitié plein. Donc il y a bien sûr des gens qui vont dire ce qu'on a mis dans l'article. Donc, c'est-à-dire que quand le premier PSVR a été connu, donc c'était le 22 mars 2016, on avait une petite liste de 14 jeux. En fait, il y en avait 15, mais il y en a un qui n'est jamais arrivé. C'était la version de Final Fantasy Evensward qui n'est jamais sortie. Et on avait également au milieu Golem, qui nous a beaucoup fait rire parce qu'il est sorti en novembre 2019. Donc en gros, il y avait 13 jeux au moment où on a fait les précommandes du PSVR en 2016. Et donc maintenant, c'est sûr qu'on se retrouve. On se retrouvait donc, quand j'ai fait l'article, avec 18 jeux officiels. Mais maintenant, Jim Ryan vient d'en annoncer une trentaine. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur Reddit ou sur d'autres forums qui disent que si tu enlèves tous les jeux PSVR et les jeux Quest 2, finalement, il ne reste pas tant que jeux que ça. Ce qui est vrai, donc ça, on peut pas le nier. Hein. Si tu, sur les 18 jeux annoncés, si tu retires tous les jeux adaptés d'un PSVR ou adaptés d'un Quest 2, il ne nous reste plus que 5 jeux. En gros, t'enlèves les mises à jour et t'enlèves les jeux Quest 2. Tu enlèves tous les Quest 2 et tu enlèves tous les mises à jour PSVR et t'en reste plus que 5 pour le lancement. Alors ce qui peut faire râler pas mal de monde, et on les comprend pourquoi, parce que forcément le PSVR quand il est sorti, il n'y avait aucun catalogue, donc tous les jeux étaient nouveaux. Sauf que là pour le PSVR 2, on sent qu'il y a quand même on s'appuie pas mal sur ce qui est déjà sorti et sur certains indés qui vont facilement transposer leur jeu du Quest 2 au PSVR, et du coup ça crée une liste qui est relativement grande, et forcément ça fait râler quelques personnes. Et puis t'as les autres personnes qui eux vont dire finalement il y a quand même pas mal de bons jeux parce qu'il ne faut pas oublier que sur le PSVR, on avait aussi des expériences. Là, c'est plutôt des jeux. Quand on voit un Resident Evil 8, un Firewall, un Sunset Sinner Retribution, il y a le Switchback, on n'en parle pas beaucoup, mais celui-là, je commence à l'attendre de plus en plus. Je vais me le prendre direct, et celui-là. Il y a le Horizon Call of the Mountain, No Man's Sky. En gros, si en démarrant au 22 février, rien qu'avec ça, déjà, rien que No Man's Sky, il va nous bouffer la vie. Donc, on aura largement le temps. On a fait 10 minutes d'émission. On a déjà parlé de No Man's Sky et c'est même pas mal. Je vais vous laisser, les gars. Objectif accompli. Il a coché la case. On te fait ton boulot, t'as même plus rien donc, à faire. C'est ça, tu vois, je vous ai tellement mindfucké que. C'est ça. ça va viper là. Enfin, ah oui, pardon. Gros mot et en plus en anglais, alors laisse tomber quoi. Oui, on est une chaîne bilingue. Donc il y a deux façons de voir les choses. Il y a les gens qui vont râler un peu en disant, alors ces gens-là, c'est un petit peu un peu seille, on va dire, qui vont dire j'attends de voir un catalogue plus cossu avant de passer commande. Ou alors d'autres qui ont commandé et qui disent non, mais il n'y a pas assez de jeux qui sortent dessus, donc je vais annuler ma commande, mais ils ne le font pas. Et puis il y a ceux qui, au contraire, disent mais putain, mais qu'est-ce que vous vous plaignez ? Ce serait peut-être plus Majo, peut-être, qui va dire mais putain, avec déjà ce qu'on a, on a largement de quoi tenir jusqu'au mois de septembre, octobre, et forcément, au mois d'octobre, il y aura le Quest 3 qui va débouler. Donc là, à ce moment-là, à mon avis, Sony vont commencer à tirer des cartouches justement pour alimenter et mettre en avant ce PSVR 2 pour les fêtes de Noël. Donc en fait, en gros, à partir du 22 février, on a 6 mois à tenir avec ce qu'on a là. Autre chose qui est importante aussi à signaler, c'est que sur tous ces jeux annoncés, Jim Ryan a annoncé 30 jeux au lancement, alors qu'au départ, il en avait dit qu'il n'y en aurait que 20. Mais par contre, si on regarde toute la liste, alors c'est marrant parce que sur internet en fait il y a beaucoup de gens qui balancent déjà la liste des 30 jeux au lancement. Dans ces 30 jeux, bah, tu as les jeux qui ont été officiellement annoncés par PlayStation et puis tu as toute une série de jeux qui ont été annoncés par les studios indépendants mais qui n'ont pas été validés par PlayStation. Or, quand Jim Ryan parle des 30 jeux, je pense qu'il parle des 30 jeux validés par PlayStation. Donc si on regarde vraiment cette liste pour l'instant, on n'a pas encore 30 jeux. Donc il pourrait y avoir une petite surprise encore avant le 22 février qui déboule ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas 30 jeux officiels annoncés par PlayStation. Toujours. Oui, sur le jour de lancement. Hein, sur non, le non, 22. Non, fenêtre. Pas le jour. Ah, sur la fenêtre de lancement. C'est ah, d'accord. 30 jeux sur la fenêtre de lancement, donc toujours pareil, environ la première année. Okay. Quoi, ouais. Donc, après, la liste, on la connaît. La liste, on la connaît à peu près. Sur le site, on a fait une page PSVR 2 avec tous les jeux. On sait à peu près ce qui pourrait débouler. Est-ce qu'il y aura une surprise supplémentaire ? Le fait est que c'est que jusqu'à présent, on avait sur le PlayStation, les jeux PlayStation Studio du PSVR 2. Pour l'instant, on n'avait qu'un seul jeu, c'était Horizon Call of the Mountain. Maintenant, on en a un second qui arrive, qui est GT 7. Donc, ça nous fait deux jeux de lancement officiels PlayStation. Si on regarde ça comparé aux sorties PlayStation Studio PSVR, en tout, sur toute la durée de vie du PSVR, ils ont sorti 19 jeux PlayStation. Et sur ces 19 jeux, on en avait 6 qui étaient au lancement le 13 octobre 2016, réalisés par les PlayStation Studio. Donc 6 pour le PSVR, on n'en a que 2 pour l'instant pour le PSVR 2. Encore une fois, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Il y en a qui vont dire, mais on n'en a que deux, donc trois fois moins, c'est un scandale. Et d'autres qui vont dire, bah, si il nous en manque quatre, c'est peut-être qu'il va y en avoir des nouveaux qui vont arriver en septembre, octobre, ou dans cette période de lancement, il y en a peut-être qui sont prévus. Sur ce petit détail, Jim Ryan avait annoncé, il y a un bon paquet de temps, que les dev kits pour les développeurs étaient déjà expédiés ou allaient être expédiés dans les jours à venir. Seulement le souci, c'est qu'on a su 7 mois plus tard que les studios PlayStation avaient reçu les dev kits. Donc il y avait déjà au moins 7 mois de retard. Et un studio PlayStation qui reçoit le dev kit, ça veut dire que les studios indés n'ont pas encore les dev kits. Et il y a énormément de studios qu'on contacte qui nous disent qu'ils n'ont toujours pas reçu le dev kit. Il y en a un qui l'a reçu cette semaine d'ailleurs. Voilà, au compte-goutte, il y en a qui les reçoit. Je m'en rappelle donc, plus. Donc en fait, il y a un retard de dingue sur les studios qui n'ont pas les dev kits sur les jeux, donc c'est pour ça qu'on va passer, on est quasiment sûr qu'on va passer une petite période de démarrage avec une trentaine de jeux et il n'y aura pas masse de jeux qui vont débouler avant septembre prochain. Bon, dans tous les cas, moi perso, avec ce qu'il y a, je pense qu'il y a de quoi tenir 6 mois, surtout qu'en été, quand il fait 40 degrés avec un casque VR, c'est pas là où on va jouer le plus. Donc jusqu'en septembre, on est relativement tranquille. Mais après, c'est, je sais pas, vous êtes plutôt du côté je râle parce qu'il n'y a pas assez de jeux ou plutôt du côté ça me va pour l'instant? Il y a un truc que je comprends pas, moi déjà, c'est que vous parlez de 30 jeux dans la fenêtre de lancement. Moi, je vois des vidéos sur YouTube qui parlent de 93 jeux. Oui. Comment ça se fait? Ah ben, nous, je comprends pas. Nous, moi, on en a 98. 98, ouais. Les développeurs sont même pas au courant que leur jeu est prévu sur PSVR 2. D'après ce qu'on leur a demandé, je comprends pas moi comment ça se fait. Alors c'est le youtubeur PSVR Wizard Parole qui a déjà fait une liste assez complète des jeux à venir en intégrant tout ce qu'il a, dès qu'il a entendu PSVR 2 ou dès qu'il y a un hashtag PSVR 2, il l'a mis dedans. Ces informations-là ont été reprises par Eurogamer. Donc forcément Eurogamer, Digital Foundry et compagnie, c'est Eurogamer, donc tout le monde va poursuivre. Alors, eux ont annoncé la semaine dernière 93 jeux à venir, mais sur ces 93 jeux, c'est vrai qu'il y a certains jeux qui nous ont fait rire, parce que nous on a contacté les développeurs en direct, et les développeurs ils nous ont dit, je leur ai dit, il y a Digital Foundry, ou plutôt Eurogamer, qui viennent dire que votre jeu allait arriver sur PSVR 2, et la réponse, ils étaient morts de rire avec des smileys à fond, et ils disaient, ah bon, on n'était même pas au courant, c'est incroyable ça, c'est vachement bien que Eurogamer parle de notre jeu. Et puis il y en a même un qui nous a dit, ça risque pas parce que le jeu il est annulé. Ah bah, super. C'est encore pire quoi. Donc là je parle de deux studios français, un sur Bordeaux, sur Bordeaux c'est lequel, je confonds toujours, c'est la petite grenouille là, je sais plus, Soul of Kairou. Soul of Kairou. Donc eux, pour l'instant, le jeu est en suspens, il est mis en pause parce qu'au niveau finance, c'est pas top sur le studio. Donc ils ont dit pour l'instant, même sur PC, c'était pas forcément gagné. Ils ont pas dit que c'était complètement annulé. Ils ont dit qu'il était plutôt en stand-by. Et puis l'autre, c'était Paradise Hotel, où ils avaient dit, alors eux, ils ont répondu, on savait même pas qu'il allait arriver sur le PSVR 2. Donc bon, sur les 93 jeux annoncés par Eurogamer, donc si on enlève ces deux, il en reste 91. Nous, on en a annoncé 98. Sur les 98, on doit avoir 35 ou 40 jeux qui sont réellement confirmés par PlayStation, ce qui veut dire qu'ils ont déjà leur page sur le PlayStation Store, ces jeux-là. Donc ça, c'est le bloc, les officiels. Et après, annoncés par les studios, y en a des tonnes qui sont annoncés par les studios. On le sait aussi qu'il y a pas mal de studios qui veulent faire le buzz sur leur jeu, donc ils disent qu'il va arriver sur PSVR 2, on le verra jamais, juste pour faire parler d'eux. Donc sur cette liste-là, la liste s'allonge à 98 jeux. Bon, dans le lot, on en a certains où on est plus que sûr qu'ils vont arriver. On pense à Hubris, Donut Open, c'est quasiment fait. C'est Donut Open qui vient de recevoir leur kit de développement, je crois. Oui, voilà. C'était les développeurs de Donut Open. Ouais. C'est Wanderer, il arrivera aussi. Des jeux, il y en aura. C'est sûr que dans la liste, il y en a certains qui arriveront pas, donc on les effacera. C'est pour ça qu'on a fait ce bloc en plusieurs onglets pour pouvoir voir ceux annoncés par les studios. Et puis quand ils passent par les officiels, c'est qu'ils sont à la fois annoncés par les studios et qu'ils sont officialisés par PlayStation. Tu parlais de Paradise Hotel, voilà. C'est Wanadev, c'est ça? Oui, c'est ça, Wanadev. Alors, ouais. Pour info. Wanadev sont à Lyon, je crois. Je parlais des studios à la PJW qui étaient des fervents défenseurs du on sait pas. Ils en faisaient partie. Voilà. Si eux ils savent pas, en tout cas, Eurogamer, après, eux ils savent. Donc, apparemment. Après, c'est vraiment jeu qui m'intéressait, quoi. Donc, Franchement, ça serait surprenant qu'ils le sortent pas. Enfin, ouais. Ce nom, c'est parce qu'ils sont pas prêts ou parce qu'il y a pas de com autour. Wanadev Studio, ils ont pas dit un nom catégorique, comme la plupart du temps d'ailleurs. Ils nous ont carrément dit que pour l'instant c'était pas d'actu, qu'ils voulaient pas l'officialiser tout de suite. C'est compréhensible. Mais eux, c'est pas un nom catégorique. C'est juste pas le moment de l'annoncer sur PSVR 2. C'est compréhensible. T'as quand même pas mal de paroles de développeurs ces derniers mois, voire même ces dernières années, qui commencent à se faire entendre de plus en plus que c'est pas forcément une trop bonne idée d'annoncer les jeux beaucoup trop tôt, parce que après, c'est donner une date butoir, donner une idée aux joueurs. Faire monter la hype, ça c'est un truc qui est bon pour eux, mais le retour de la, enfin le revers de la médaille, c'est qu'après eux ils se mettent, voilà, ils sont obligés de mettre les bouchées doubles dans le développement, les pressions, de se mettre la pression. Dès que t'as des reports après, c'est voilà. S'il y a des investisseurs derrière, bah ils te foutent encore plus la pression. S'il y a des reports, et ça les reports, on en a eu quand même pas mal ces dernières années. Et ben c'est en général mal vu par la communauté des joueurs sur les réseaux sociaux. Tous ces trucs-là en fait font que maintenant je préfère à la limite. Qu'est-ce qui est bien vu par la communauté des réseaux sociaux? Pas grand-chose en fait. Rumeur de Killzone. La rumeur de Killzone, apparemment, c'est plutôt bien vu. Ah. Ça reste qu'une rumeur. Mais tu vois, je comprends maintenant. Une belle rumeur, hein. Je comprends et j'ai même plutôt du respect en fait pour les développeurs qui préfèrent pas trop se mouiller, pas trop faire la facilité et puis annoncer leur jeu sur une plateforme qu'ils sont pas sûrs de pouvoir honorer. Donc non, c'est. Enfin, moi, je trouve ça tout à fait compréhensible justement les développeurs qui disent. On va attendre un petit peu avant d'en parler. Surtout que tu auras toujours quand même ce truc de qualité, enfin de qualité. C'est Sony d'abord qui va vérifier si le jeu est, donc si le jeu est pas bon, il sortirait pas, donc il se sera baissé pour rien. Donc c'est pas C'est vrai qu'on l'a jamais vu ça, des jeux pourris sortir. Après, sur le store, ça on en a vu un paquet. Mais bon, ce que je veux te dire, c'est que bon, il y a des jeux qu'on a attendus et qui sont jamais sortis. Mais ils font peut-être partie des. Il y en a quelques-uns. J'avoue que j'ai pas regardé la liste des 98 jeux parce que ça me. Voilà. Ça m'intéresse pas, moi. Mais si ça se trouve, le mec, il a repris tous les jeux qui ont jamais été sortis sur PSVR 1 pour le dire en fait, ils vont sortir sur PSVR 2. Quoi. Non, globalement, c'est à peu près la même liste que la nôtre qui est sur la page PSVR 2. Celle des 98 jeux. Et il en. Ouais. Non, eux, c'est 93. Nous, c'est 98. Ah, sur sa liste en fait tous les jeux qu'il a c'est quasiment ce qu'on a. Il en manque, mais par contre il y a deux jeux qui fallait pas mettre dedans parce que les studios nous ont dit non, c'est pas pour tout de suite quoi. Ok, ah, j'avais pas compris. Comme c'est étonnant. Alors ensuite à ce sujet, il y a Naughty Dog qui ont pris la parole et apparemment les studios PlayStation justement vont arrêter de teaser leurs jeux trop à l'avance, justement parce que ça crée des tensions au sein des studios, ça crée comme tu disais de la hype et puis de la pression et du crush. La pression pour les développeurs et puis aussi pour la raison c'est que on vit quand même une époque où il y a une énorme concurrence et si par exemple tu sors un Days Gone et que ça se sait trop tôt, le concurrent a le temps de créer son propre Days Gone et peut-être même de le sortir avant toi et de choper tout le succès de ton jeu alors que tu travailles depuis 8 ans et lui il l'a bouclé en 5 ans. Donc c'est pour ça qu'apparemment la politique qui va arriver, ce sera de ne pas parler et puis quand ils commenceront à teaser un jeu, ça veut dire qu'il va débouler peut-être dans un mois ou deux derrière. En tout cas, c'est ce qu'ils ont envie de mettre en place. Ça fait un moment qu'elle a adopté cette politique quand même. Et ben apparemment, ça va être pire qu'avant. C'est pire. Ça va être voilà. En fait, c'est pas une mauvaise chose, la veille de la sortie du jeu. Ouais, quand tu sais qu'un jeu est teasé, tu sais que tu vas pas attendre 3 ans, c'est pas mal aussi. Hein. God of War Ragnarok, sauf si je me trompe, il me semble qu'il a pas été annoncé très très longtemps avant sa sortie. Hein. Non. Oh, 2 ans quand même. 2 ans, ouais, je crois. 2 ans. 2 ans. Tant que ça. Ah ouais. Ah oui, non. Il a été retardé d'un an. Non, oui, il a été annoncé en plus parce qu'il y avait le logo, le logo méga là, de Ragnarok. Mais après, il s'est montré quand même assez tardivement. Il s'est jamais vraiment montré en fait. Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était rapide. On comprend pourquoi d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont fait. Pourquoi? Pour garder un maximum de mystère sur le jeu. Ah oui, oui, oui. Oui, après, ouais, au niveau de la mise en scène des trailers. D'ailleurs, la fin. Ouais. Ça tombe à l'eau. Je te dis, Mecha Kratos, moi j'ai encore là. À la fin de Mecha Kratos, j'ai pas compris leur délire. Tout designé par Tony Stark en plus. Voilà, après, ils partent sur Mars et tout, je comprends pas leur délire. Mais bref. Le crossover avec Marvel, j'avoue, assez surprenant. Ouais, c'est chaud. Oh, je reviens là sur Paradise Hotel. Là. WannaDev, c'est ceux qui ont fait Propagation. Oui, bah, c'est Propagation Paradise Hotel en fait. Faut vraiment que ça sorte. Ouais, c'est ça. Un chemin. C'est ça. Petite expérience gratos. Super démo. Ouais. Expérience gratos sur Steam. Qui pas mal fait en plus. Ouais, bien foutu. Ouais, franchement. Ah oui, oui. Bon studio. Mais celui-là, franchement, comme ils en parlent avec le sourire et tout, ils nous ont même proposé de venir les voir à Lyon dans leur studio, mais que pour l'instant c'était trop tôt. Donc, ils préparent un truc. À mon avis, ça arrivera, mais disons qu'ils sont morts de rire de voir que la presse s'est emparée du truc alors qu'ils n'ont jamais rien dit là-dessus. Quoi. Ah ouais. Ils ont peut-être posté un jour un hashtag PSVR2 et puis les mecs, ils sont partis comme des... Voilà. L'autre truc que je voulais préciser également, c'est que tout à l'heure, je vous parlais des deux jeux qui étaient sur, des deux jeux PlayStation Studio qui étaient officialisés par rapport aux 18 jeux sur PSVR et les 6 jeux au lancement. Il ne faut pas oublier qu'en 2016, il n'y avait que 12 studios PlayStation. Il y en a déjà au moins deux qui ont fermé, c'était Guerrilla Cambridge et Evolution Studio. Là, aujourd'hui, on est sur 23 studios, donc on peut quand même attendre quelques jeux PlayStation Studio qui arriveraient. Puis on sait déjà de toute façon par Hideaki Nishino qu'il y a d'autres jeux en cours mais qui ne sont pas prêts, donc pour l'instant ils n'en parlent pas. On et s'ils suivent 22. Cette politique annoncée par Naughty Dog, et ben, s'ils suivent la politique, du jour au lendemain ça peut tomber quoi, en fait. Ils peuvent nous dire bah, tiens, il y a ce jeu qui va arriver et personne ne l'aura vu venir et puis voilà quoi. Moi je suis plutôt pour. En tout cas, un peu comme ils l'ont fait avec, un peu comme ils l'ont fait avec Gran Turismo finalement. Ouais. Bon, c'est le sujet de tout à l'heure. Oui, mais... ça a été super rapide, Gran Turismo. En plus, il n'était pas du tout attendu. Ouais. Non, pas du tout. Non. Ah non, tout le monde s'en fout hein, d'ailleurs. Ah oui, c'est clair. Bah, le contraire aurait été surprenant qu'il n'y ait pas de jeu de bagnole sur le PSVR. Alors, 2, ça manquait quand avant même. De parler de Gran Turismo 7, les amis, est-ce que je pourrais me permettre de t'introduire, Majo, sur le sujet suivant? À savoir. J'aime bien ce mot. T'as vu ? C'est sexuel, ça, non ? T'as vu ? Ah oui. Bah, on exprime notre amour comme on peut, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du CES 2022 ? T'avais un petit coup de gueule à passer. Pas un coup de gueule, c'est. Enfin, une observation, en tout cas. Une constatation. On va parler du CES 2023, du coup. 2023, pardon. Qui donc bah, c'était la semaine dernière. Alors Laurent en a parlé vite fait. C'était jeudi dernier. Grosse affiche, donc grosse attente visiblement pour pas mal de monde. Et puis Jim Ryan est arrivé. Alors ça a été introduit par j'ai oublié son nom. Kenichiro Yoshida. Non c'est ça. Ouais je crois que c'est ça. Mm-hmm. Kenichiro Yoshida, le PDG de Sony. Qui a donc commencé avec toute la partie virtuelle, donc sur tout ce qui était spectacle, football, la nouvelle manière de voir et d'interagir avec des matchs de foot, etc. Et ensuite ils ont enchaîné donc avec le PlayStation VR 2 et Jim Ryan. Et petite intervention de pas très longtemps finalement, mais qui a révélé pour moi, je trouve, énormément de choses. Alors bon, ils ont repassé les éternels superlatifs sur voilà. Toujours plus d'immersion, toujours plus de blabla comme on connaît d'habitude, et surtout les infos qu'il faut retenir. Donc c'est la première, c'est Gran Turismo 7, donc on en parle depuis le début, mais qui a été annoncé que la semaine dernière. Donc la compatibilité VR de Gran Turismo 7 sur le PSVR 2 et la PS5 sans surcoût si on possède le jeu. Et intégrale. Et intégrale. Alors ça n'a pas été officiellement de manière officielle, mais... ça n'a pas été non plus précisé à l'inverse, et je trouverais absolument scandaleux, et ce qui nous fait dire que ce sera intégral, c'est que là il y a beaucoup de voitures sur le circuit. Alors il y a eu un très très court passage de gameplay qui dure à peu près 20 secondes, qu'on vous a mis sur VRAC d'ailleurs si vous voulez aller le voir, où on voit, donc on est dans l'intérieur, alors je ne sais pas quelle voiture c'est une groupe 4, enfin les voitures de groupe 4 pour ceux qui jouent au jeu, avec la vue cockpit donc. Ça va vite, c'est très très beau, et comme je disais, on peut voir énormément de véhicules autour, ce qui n'était pas le cas donc de l'expérience. On va GT dire, Sport. GT Sport. Ben, la seule, un seul Ghost. Ouais. Exactement, c'était soit du time attack en gros, soit du 1 contre 1 contre l'IA, donc puisqu'il n'était même pas possible de jouer avec quelqu'un d'autre en ligne. Donc c'est vrai, c'était un peu la déception ce GT Sport. Donc on se pose la question quand même, ça arrive encore de vouloir savoir est-ce que réellement le jeu complet sera développé ou non. Secret de Polichinelle, oui, c'est sûr que ça sera la version complète. C'est pas officialisé, je répète, hein, ils l'ont pas dit de manière officielle. C'est pas officialisé par PlayStation. Mais dans tous les cas, je vois pas l'intérêt de refaire la même bêtise qu'avec GT Sport, et surtout d'en montrer autant et de dire voilà, la mise à jour... Gran Turismo 7 arrive en VR et c'est tout quoi. C'est déjà ce qui a été dit. Comme tu disais, c'est un jeu cross-gen, donc aussi techniquement, il peut être joué et ça se voit d'ailleurs entièrement. Ouais, voilà, mais entièrement sur PSVR 2, je suppose, parce qu'il va pas pomper des ressources. Il en pompe déjà par sur PS5, on voit quand même du clipping. Ah ouais. Ouais, ouais. T'as du clipping. Ouais, mais ça c'est parce que c'est un jeu cross-gen. Les ombres, les lignes, ce genre il a pas été développé pour la PlayStation 5 exclusivement. Oui, bien sûr. Donc ça compte. Hein. Et ça se sent même dans les temps de chargement. Alors je sais pas si vous vous rappelez, GT Sport, les temps de chargement étaient particulièrement longs. Dans celui-là, bon, ça va beaucoup plus vite que dans GT Sport. Il y en a quasiment pas, des temps de chargement. Mais il y en a quand même. C'est beaucoup moins rapide qu'un Horizon ou même pour reprendre un jeu. Bah, fais remarquer, Horizon est aussi un jeu PS4. Bon, parce que moi, j'ai des temps de chargement. God of War, c'est pareil, tu as des temps de chargement. Hein. Ouais, 10 secondes de temps de chargement en God of War, mais là, GT 7, moi, c'est des temps de chargement d'une seconde que j'ai. Hein. Mais maximum. Ça, je peux pas te dire, moi je l'ai pas. Oh non, pas moi. Ah si, gros maximum. Moi c'est un peu plus long que ça. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas un jeu qui opti PlayStation 5, c'est une certitude. Non, c'est aussi une des raisons qui nous font dire que il y a pas de raison que le jeu soit pas complet. Je pense qu'il sera complet. Voilà, il y a pas de. Enfin, moi j'ai pas de doute là-dessus. Le seul truc qui m'interroge un petit peu, je l'ai acheté GT7 à son annonce sur PSVR 2. Oui, moi aussi. Voilà. pas moi. Pas cher. Faible. Complètement faible. Mais t'as pas le PSVR 2, mais tu prends GT7. Non, mais je. Je pense que. La bonne résolution de 2023, il a dit. L'année 2023, je vais prendre mon amour propre, je vais mettre en boule, et puis je vais le foutre à la poubelle, et puis voilà, donc je vais dire des trucs. La chasse. Et puis je vais retourner ma veste, et puis ça sera très très bien. Et en plus, c'est comme ça que ça marche sur Internet. Ce soir, nous avons Phil Spencer avec nous. Bonsoir, Monsieur Spencer. Or, donc, disais-je, du coup, j'ai commencé GT7. Et, c'est cadeau. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y a quand même pas mal de menus, de systèmes de menus, notamment les systèmes de petits villages Gran Turismo au départ, tu peux aller dans ton garage par exemple, voir les fiches de tes véhicules qui sont incrémentées dans des petites fenêtres. Ensuite, si tu laisses tourner, t'as un visuel de ta bagnole en 3D, des trucs comme ça. En fait, j'ai l'impression, j'imagine pas en fait le jeu tel quel transposé en réalité virtuelle, mais plutôt qu'ils vont travailler sur une interface d'utilisateur un tout petit peu différente que la version plate. Ils vont pas pouvoir utiliser la version plate stricte dans la version VR. À moins qu'ils se cassent pas la tête et que toute la partie menu hors course soit un plat. Ce soit en mode cinéma, ce qui est tout à fait possible. Mais ce qui serait un petit peu dommage, tu vois, parce que justement sur la présentation dans ton garage des bagnoles et quand le truc passe vraiment en 3D et en présentation de ta voiture où tu vois les intérieurs, machin, t'as la caméra qui passe dans l'habitacle, etc. Ça serait quand même super intéressant aussi d'avoir un petit peu comme dans les Forza, un système de visite de ton véhicule en vue libre ou quasiment libre. En réalité virtuelle, ça tuerait, ça te permettrait d'avoir, ta Lamborghini à côté de toi, de rentrer dedans et de regarder un petit peu. Un petit peu comme X-Wing dans Battlefront, toi. Tu l'avais aussi dans Drive Club, ça. Oui, moi, oui. Exact. Ouais, Steph, t'allais dire. Non, je me disais que. Enfin, j'étais en train de me demander si. Il n'avait pas développé PSVR 2 à la hâte, en fait. Ah, tu crois, parce que c'était tellement demandé que du coup, PSVR 2 qui sort, bim, on le sort. Moi je me dis c'est bizarre quoi, parce que ça fait. Ouais. Ça fait. Tu vois, c'est moi, pendant on se demandait s'il y avait des réservations qui avaient été faites. Ouais. On comprenait pas pourquoi on en trouvait encore, des choses comme ça. Et je me demande s'ils se sont pas dit, faut pousser. Peut-être qu'ils en avaient déjà l'idée de le sortir, attention après. Ken Kutaragi, mais d'accélérer un peu. Ken Kutaragi, ça fait des années qu'on le pousse au cul, que Sony le pousse au cul pour sortir des versions VR de ses jeux de Gran Turismo Sport. Et en plus, il avait même communiqué à l'annonce du PSVR 2, comme quoi ça allait être révolutionnaire. Ça n'est pas caché. Et qu'il n'y avait plus de barrières, contrairement au PSVR 1 et à la PlayStation 4. C'est vrai aussi. S'il s'y est mis il y a quelques mois, ça me paraît très bizarre quand même. Ça va plus loin que ça, parce que c'était même à l'annonce de la PS5 où il avait déjà pris la parole en disant que ce qui allait révolutionner le jeu vidéo par rapport à la puissance de la PS5, ça allait être la VR, quoi. Ce qui allait changer les choses. Cette puissance allait servir à modifier la VR. Donc, même déjà, on savait même pas que le PSVR 2 existait. Il en avait déjà parlé. Et puis en plus, tu as Hideaki Nishino qui a récemment confirmé que la PS5 et le PSVR 2 ont été développés en même temps, comme on avait dit la dernière fois, la PS4 Pro Neo et le PSVR Morpheus. Donc, à mon avis, quand GT 7 est sorti, il s'est fait un petit peu critiquer au niveau des graphismes, parce qu'il y avait des petits trucs qui étaient manquants par rapport à un Forza, par exemple. Mais à mon avis, c'est le contraire, c'est qu'ils ont, ils ont pas trop chargé la mule, parce qu'ils se sont dit, le jeu, on va le sortir intégralement en VR quand ce sera le moment. Et du coup, c'est, à mon avis, c'est peut-être cette approche-là. C'est probable, ouais. Après, en jeu... Je pense que tu veux dire, ouais. Pour pas décevoir, en fait, excuse-moi. Oui, bien sûr, vas-y. Pour pas décevoir, en fait, les joueurs plats qui iraient... sur PSVR 2 qui se dirait ben voilà le jeu il est moins beau. Ben le jeu est moins beau en fait. Et puis surtout ça fait moins de travail parce que si il faut, derrière il faut si le jeu a été pensé à la base, ils ont dit bon il faut qu'on tienne en 4K, il faut qu'on tienne les 60 FPS, donc on va essayer de on pourrait rajouter ça, on a de la place, on a le SSD et tout ça, puis t'en as un autre derrière, ça passera pas en VR ça. Donc du coup ils l'ont pas fait et puis du coup ils se retrouvent avec un jeu qui est peut-être un peu moins beau qu'un Forza, mais qui derrière est compatible PSVR 2 véloce, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui a été fait en 6 mois hein. C'est le boss de Polyphony Digital, il parle de la VR et de GT7 bien avant la sortie de la PS5. Ouais, c'est possible qu'ils aient travaillé dessus. Après, il est pas non plus honteux hein, comme jeu. Hein. Même en plat, je veux dire, t'as quand même des conditions météorologiques moi, que je trouve plutôt bien foutues. En tout cas, je suis pas non plus un gros joueur de jeux de bagnole. Hein. Mais t'as des effets qui sont vraiment, vraiment très très bien foutus. Ouais, si tu le compares à Assetto Corsa... Ouais. Ça fait mal quoi. Bah, si tu compares quasiment tous les jeux à Assetto Corsa, ça fait mal. C'est ça le problème. C'est une grosse référence aussi. Notamment VR. Voilà, on se base sur la simulation et puis après c'est toujours pareil. T'as la renommée. Voilà, Gran Turismo, ça a toujours été un peu la vitrine, on va dire, des consoles à l'époque. Et puis t'as de plus en plus de concurrents qui se démarquent un peu techniquement de ce jeu-là. Et c'est vrai que bah, pour le coup. C'est pas forcément ce qu'on peut lui donner en premier, c'est ça réel quoi. Après il est propre, comme tu dis, il fait largement le travail, il est tout à fait dans l'ambiance quand t'es en course et tout, mais c'est vrai que quand tu veux commencer à admirer les ralentis ou des trucs comme ça, c'est là où tu vois que c'est un peu vide. Ça pêche un peu parfois sur le framerate, ça pêche un peu voilà sur certains plans. Sur les ombres. Aussi. Et puis ça se voit quoi, voilà, comme tu disais, il y a du clipping et ça se voit quoi. Donc, voilà. Après certains circuits, c'est violent quand même. Il y a un truc quand même, c'est que le clipping, on a vu que ça a été aussi sur Forza, pas Horizon, hein, mais l'autre là, celui que. Motorsport. Voilà, Motorsport. Ah oui, non, après, c'est pas une comparaison avec. Tu vois, il y a clipping sans, et clipping. Sans vouloir comparer, mais tu vois, ça existe toujours quoi. Bien sûr. Ouais. Le truc, c'est qu'il y a clipping et clipping, et là, c'est vrai, comme Disney, t'as des zones où c'est particulièrement vide en fait, et tu le vois. Tu peux pas t'empêcher de passer à côté. Et je te dis, quand tu vois des lignes, c'est carrément des lignes de bord de route qui pop en fait. C'est un peu particulier. Quoi. T'as un circuit notamment où justement la route elle est quand même très peu large. C'est-à-dire que t'as des. Et tu vois vraiment en bout de route, t'es toujours focalisé sur la route. Donc c'est même pas de la branlette technique à essayer de trouver le petit clipping dans l'arbre du fond que tu regardes jamais. Non, non, c'est même pas ça. C'est vraiment sur ta route, sur ta trajectoire, quand tu dois regarder un petit peu loin. En fin de ligne droite, sur un virage à la droite, en fait, t'as carrément un élément qui est au milieu de ton écran qui pop dans Gran Turismo 7. Donc, c'est un peu dommage. Et le problème, c'est que ce genre de choses-là, ça se voit sur un écran plat, mais quand t'as le casque sur les yeux, ça sera encore pire parce que tu le verras encore plus parce que la VR, justement, comme t'es immergé dans ton monde, tous les détails, tu les vois. Hein. Tous les détails, les soucis de volume, etc. Et puis sauf s'il l'optimise différemment avec le tracking. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça serait pas mal. Ça peut changer les choses. Et justement, si ça pop et que ça se voit trop en VR, c'est possible qu'ils aient quand même un gros travail derrière de réadaptation du jeu. Mmh. Et puis ce que tu disais tout à l'heure qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a full VR et full VR. C'est sûr que quand on te demande est-ce que le jeu sera full VR, moi quand je dis oui, je parle de toutes les voitures, de tous les circuits. Par contre, c'est vrai qu'il y a toute cette interface graphique qu'on a sur le jeu qui sera pas forcément adaptable en VR, mais du moment qu'on ait toutes les voitures et tous les circuits et tous les modes de jeu, après l'interface on s'en fout un peu quoi, par rapport à un GT Sport où on avait juste un mode Ghost et puis un musée de la voiture avec 4 bagnoles à visiter quoi. Ce qu'on peut dire aussi et qui est, va dans le sens de cette adaptation full VR et de tout le contenu, c'est que alors pour l'instant du moins moi c'est pareil, j'ai commencé, j'ai pas énormément de de background sur le jeu, mais ouais, j'ai 5-6 heures quand même. Une petite dizaine de voitures dans mon garage et tout ont une vue intérieure, quoi. Oui. Avec l'habitacle dessiné. Donc ça aussi, on peut dire que c'est quand même un très très bon signe sur le fait que bah, ils veulent t'immerger encore plus dans le jeu. Et tu y a peux. Quoi, il y a 400 ou 500 voitures, je crois, en tout. Ouais. Beaucoup de déclinaisons des modèles. Et aussi, t'as un truc, c'est en course, tu peux bouger ta tête. Avec ton stick droit, tu peux bouger la tête. Ah, je sais pas, je joue au volant, moi. Donc Bah, je te le dis. Oh le riche. Excusez-moi. Excusez-moi. Un petit volant à 5000 boules. On en a eu sur Discord, lui. Il y en a qui font les choses à l'envers. J'ai acheté le volant avant d'acheter le jeu. J'ai acheté le jeu ensuite. Tu vois. Ouais, c'est pour No Man's Sky. Exactement. C'est lequel sur Discord là qui a un truc de fou avec des vérins et tout. C'est un truc de malade. Ah oui, c'est un autre. J'en suis pas là. Je vous rassure, j'en suis loin. Moi j'ai un siège sur VRM, mais c'est parce qu'il tombe tout seul. C'est ça. Oh, une bosse. Ah merde, non, c'est pas là, une bosse. Là on parle d'un équipement de la marque Simucube. Sur le site, donc j'ai mis le lien sur l'article des volants qui vient de paraître sur le site. Si vous allez faire un tour sur ce site, Simucube, vous allez voir juste un pédalier à 6000 euros à peu près. Les volants sont environ à 1800 euros, mais il n'y a que le volant. T'as pas le moteur, t'as que le volant. Donc en gros, c'est des configs à 10 000 balles, quoi. 10 000, 15 000 balles. Gros, c'est du matériel de course qui est adapté au jeu vidéo. C'est des trucs de fou. Tu regardes. C'est vrai que. Et là, j'en ai pas parlé parce que c'est du très haut de gamme, donc c'est vraiment. Tu relativises, là, tu dis que le PSVR 2, finalement, il est pas si cher que ça. Hein. Franchement, hein, par rapport au matos que t'as dedans, il est pas si cher. Alors juste avant. Ah oui, c'est les mecs. Les mecs, ils ont une PS5 avec un PSVR 2 et puis à côté, ils ont tout le matos Simucube. Ça me fait marrer, quoi. mais en tout cas, là, t'es au top. Hein. Franchement, moi, je rêverais de pouvoir jouer sur une configuration comme ça. Ça va vraiment, c'est Impecrou qui est sur Discord, qui nous suit et qui a partagé ses photos. Bah, on lui passe le bonjour s'il nous écoute. Voilà, gros matos. Mais, voilà. Mais juste pour terminer sur GT7, il y a juste deux trucs qui me saoulent dans ce jeu-là. C'est le fait que sur les tickets, t'as des petits tickets de tombola que tu gagnes de temps en temps et que t'as au hasard, je crois, 5 ou 6 trucs à gagner, un truc super bien, un truc tout pourri. Ça dépend. Dans 20, enfin, j'en ai 20 ou 25 des tickets, 100%. Ouais, mais toi, t'as pas de chance. C'est Monsieur Bug. J'ai tapé le truc le plus merdique 100% du temps sur plus d'une vingtaine de tickets. La toute petite somme d'argent. La toute petite. Les 2000 crédits. Même j'ai des tickets à 3 étoiles. Quand tu prends un ticket à gratter au bureau de tabac, tu gagnes jamais. Mais je ne joue jamais au jeu de hasard. Je sais que je suis un poisson de sang de base. Je n'y joue jamais. C'est le seul joueur qui n'arrive pas à finir The Last of Us 2 quand même. Ouais, à cause d'un bug. C'est le seul. Qui plante en plein milieu de l'aventure. C'est énorme. Non, mais. Et après, il nous dit, c'est quoi ce jeu de merde? Non, mais ça va. Moi, je l'ai fini, il n'y a pas de souci. Non, mais toi, je veux bien, au niveau de la probabilité, je veux dire, 20 tickets, taper le truc le plus nul sur 20 tickets à 100% du temps. C'est pas normal, il y a un bug, il y a quelque chose comme ça. Normalement, tu dois bien en gagner au moins 2, 3, 5, allez, même si t'es poissard 5. Il y avait eu pas mal de remontées justement là-dessus sur certains joueurs qui avaient fait le test et qui ont souligné ça. Après, moi, j'ai pas eu le même cas que toi, effectivement. J'ai jamais gagné le gros lot, mais moi, pour l'instant, j'ai eu que les tickets une étoile. Mais t'as gagné une bagnole, toi? Mais j'ai quand même gagné une voiture et la somme moyenne et puis une plus petite somme. Enfin, voilà. Après, je me souviens plus. J'en ai pas eu énormément, mais voilà. Enfin, j'ai gagné un peu normal, tout, quoi. Un peu moyen, un peu bien, un peu nul. Voilà. Mais une deux chevaux, un truc, quelque chose. Pas 5000 crédits de merde là. C'est quoi? Même des tickets à 3 étoiles. Un sticker, c'est un porte-clé. Voilà, super. Non, mais ça avait été. Effectivement, ça avait été pas mal mis en avant et ça avait fait partie de la fameuse polémique où justement il y avait eu un passage, une mise à jour en fait qui avait fait remonter le prix des voitures on va dire les plus rares. Donc pour avoir regardé, c'est 3 millions de crédits du coup qu'il faut pour acheter une des voitures les plus rares. Oh, je t'ai même vu à 8, hein, 8 millions. Ah, 8, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu. C'est classé par ça. C'est 800 000, 1 million, 3 millions, je crois. Et après, t'as les voitures. Les prix pour les autres. Après, t'as le concessionnaire des voitures de légende. Et là, les prix, ils remontent encore. Hein. Ah, celui-là, je ne l'ai pas vu encore. donc, c'est peut-être pour ça. Bon, enfin, bref. Et du coup, voilà. Et pareil, il y a une des personnes, pardon, sur le Discord qui nous a posé la question aussi de savoir qu'est-ce qu'il en était des microtransactions et tout ça. Donc, j'étais sur le store. Il n'y en a pas, en fait, hormis l'achat de crédit. Voilà. Donc, c'est la seule chose qui est en microtransactions, c'est que vous pouvez acheter de la monnaie virtuelle, en fait, avec de l'argent réel, ce qui vous permet d'aller plus vite. Sachant. Contrairement à GT Sport, où lui, par contre, il y avait énormément de véhicules qui étaient à l'achat en plus de la version du jeu, donc finalement pour pouvoir être utilisé et dans le jeu et dans les parties en ligne. Voilà. Il y en a qui étaient donnés aussi dans GT Sport, et c'est vrai que j'ai fait un petit tour sur le store, et effectivement, tout est dans le jeu directement, il n'y a pas de DLC en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et aussi, oui, pour gagner des crédits, très simplement, tu as aussi. Il faut gagner des courses. Mais tu as ça, et tu as aussi l'entraînement, je ne sais pas si c'était à la sortie du jeu. Les entraînements sur piste où tu fais section par section ta piste et ensuite tu fais un tour complet avec une voiture que t'as pas forcément dans ton garage mais qui t'est donnée pour la session, où tu dois faire aucune sortie de route, aucun enfin tu dois taper aucun mur ni quoi que ce soit, t'es tout seul sur c'est du time trial en fait, mais où tu t'exerces. Et là par contre, certaines courses, j'ai vu, tu peux gagner 1 million 2 millions si tu termines tout en or, hein. Donc en fait, de la thune, si tu joues... Après, est-ce que tu peux le reconvertir en vrai argent ? Non, tu peux pas, ça marche pas. Ça. Tu peux pas faire l'inverse. c'est pas des NFT, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Mais voilà, donc tu peux faire ça. Donc à la limite, tu peux gagner, si t'es bon en tout cas, tu peux gagner de la thune très très facilement dans ce jeu-là. Mais je pense que voilà, c'est un équilibrage qui a été fait... très facilement, je sais pas. Mais c'est pareil, quand tu fais des courses... facilement, en tout cas, avec du boulot, quoi. Quand tu fais des courses, tu es récompensé aussi pour ton comportement. Ouais, tour voilà. Parfait. Ta dextérité. Ton comportement. Non, vraiment. Si tu touches pas les autres voitures, si tu tabasses pas, enfin voilà, si tu respectes bien. Alors, moi, j'aurais jamais rien. Les autres. Mais c'est aussi une espèce d'initiation, parce qu'on le sait, le mode en ligne. Parce que j'avoue, ça me ferait rêver de faire des parties avec vous, les gars, en VR, en ligne, contre vous. Ça viendra. Et en fait voilà, quand on veut jouer en ligne justement, alors en ligne, on se fait défoncer. Il faut faire très très attention à comment tu conduis, parce que sinon tu te fais rétrograder justement avec des joueurs qui ont des conduites qui sont beaucoup moins respectueuses. Et là c'est beaucoup moins plaisant, parce que quand tu essayes de faire quelque chose de propre et que t'as un mec qui arrive à 200 et qui te tambourine à l'arrière, et puis que tu finis dans le bac à sable à cause de lui si tu veux, et que lui arrive à freiner. Coucou Steph. C'est comme ça que ça se joue contre Usmo, je suis désolé. J'avoue que c'est moins plaisant, quoi. Tu vois. Tu vises le POC. C'est plus pareil. Ligne droite, voilà, virage. Surtout qu'en plus, ouais, t'as une gestion des dégâts qui est quasi inexistante, hormis des rayures et puis des petites étincelles quand tu frottes. Ça, c'est dommage. Ça, c'est quand vraiment tu frottes les bords, j'avoue, c'est compliqué. C'est ça, Gran Turismo, c'est la technique du chausse-pied. Tu rentres à l'intérieur du virage, tu te cales sur une bagnole, tu c'est tapes vrai. Sa portière et ça fait chausse-pied. Et comme ça, tu prends ton virage et t'es bien. C'est comme ça que ça se joue. C'est vrai. Et puis, juste, voilà, deuxième truc qui me saoule aussi dans ce jeu-là, c'est les musiques. C'est une catastrophe. T'as des remixes de musique classique en mode musique notamment d'ascenseur. La première. Musique d'ascenseur. Le violoniste de Déraciné est là aussi. Ah ben je sais pas. Peut-être qu'il en fait partie. Mais en tout cas, ceux qui ont fait les remixes et ceux qui ont choisi les musiques, notamment les musiques classiques remixées, faut les foutre en tôle. Mais vraiment tout de suite. Faut plus jamais qu'ils touchent à un jeu vidéo ou à un clavier ou n'importe quoi. Ça fait au mieux musique de boulard. Au pire, musique d'ascenseur, c'est insupportable, ça me fait saigner les oreilles. Et il me semblait je vais m'arrêter à boulard, moi. Mais sur les anciens Gran Turismo, il me semblait que tu avais possibilité justement de sélectionner les morceaux que tu voulais garder, entendre de temps en temps, parce que t'as les petits morceaux de jazzy quand même qui sont plutôt cool dans Gran Turismo 7, mais t'en as d'autres. Il y a un peu de tout, hein. Mais c'est insupportable. Il y a vraiment toutes les thématiques, hein. T'as du rap, t'as du. Alors je sais pas trop comment ça s'appelle, l'espèce de beat funk là. C'est moderne que t'entends, enfin, tu vois, il y a vraiment de tout en termes de musique dans ce jeu. Donc bon, ouais. Si tu peux, c'est vrai que j'ai pas regardé ça. Si tu peux sélectionner quelles chansons peuvent passer ou pas, mais j'ai pas l'impression parce que j'ai pas trouvé. En fonction du module où tu vas, tu as toujours la même musique. Est-ce qu'avec Spotify, avis, tu peux pas passer tes musiques, les musiques que tu veux ? Ah non, t'es pas sur PC là. Ouais, mais non, je sais pas, je suis pas abonné à Spotify en plus. Donc... Non, ça marche pas. Enfin, je crois pas. Mais enfin voilà. Non, mais non. Ça, c'est vraiment le voilà, mon côté râleur en zik. Enfin, quand t'écoutes du Eric Satie et que t'as une vieille basse pour faire le piano derrière, dégueulasse. Non, t'as pas le droit de faire ça. Non, ou alors de mettre. thème musical aussi. Ou mettre une rythmique, tu sais, une rythmique, mais c'est pas une belle rythmique, tu sais, un petit peu drum and bass ou un petit peu jazzy derrière, non, c'est vraiment une rythmique électro dégueulasse, derrière un morceau classique de je sais pas, c'était quoi, c'est un morceau de Nocturne de je sais plus comment il s'appelle, merde. Enfin bon, bref, peu importe, t'as pas le droit de faire ça, quoi. Tu respectes un petit peu quand même le matériau de base, tu vas pas prendre la Joconde et puis la reproduire avec ton caca pour dire que c'est de l'art, quoi. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, non, non, c'est juste ça. Vraiment, la musique, elle est dégueulasse. Voilà, mais c'est un détail, hein, on va dire. Mais je pense que pas tarder à la virer. En tout cas, le jeu est cool, franchement. Mais le jeu est bien. Si vous aimez les simus de bagnole, malgré ben voilà, tous les petits défauts qu'on a cités, le jeu est quand même relativement cool. J'avoue que je le lâche pas là depuis que je l'ai eu. Pareil. Et j'essaie de d'avancer un peu pour pouvoir en profiter un max quand je l'aurai en VR, notamment de faire les permis. Je me suis amusé à me lancer dedans, et puis ben, ça rappelle un peu les souvenirs de l'époque, quoi. C'est pour le coup, c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que moi, le problème, c'est que quand je vais jouer contre vous, moi, je vais être un Honda Civic, là, les gars. Là. Ah, bah, tu vas te faire ramasser, mec. Hein. Le jeu. Ça, c'est le problème. Hein. Non, mais t'as des catégories. Je rentrerai dedans, de toute manière, c'est pas grave, je suis habitué. T'as des catégories qui limitent la puissance. Ouais. Non, c'est Citroën Visa. Je trouve que ça a été un peu simplifié, ça, et avec les points. Les PP. Moi, j'aurais la Renault Fuego, moi. Avec les points de valeur, du coup, que ta voiture, en fait, possède en fonction de ses attributs. Et je trouve ça plutôt facile, en fait, du coup, d'arriver à visualiser quelle est la valeur, en gros, technique de ta voiture. Même si, je sais pas si t'as fait gaffe, mais dès que tu changes les pneus, que tu passes sur des pneus de catégorie... Tu gagnes 50 PP. Le PP, incroyable. Tu gagnes 50. T'as zéro puissance, mais t'as gagné tellement d'adhérence que... Et c'est vrai que ça change, ça c'est pareil, c'est un truc de fou. Quel que soit le véhicule que tu as, en fait, la conduite n'est jamais la même. Et tu changes un truc, c'est radicalement, enfin, d'une course à l'autre, c'est radicalement différent. Et c'est vrai que ça, c'est bluffant. Est-ce qu'ils avaient présenté aussi les changements de temps, et notamment, par exemple, tu commences une ouais, course avec la pluie. Temps, tu commences avec la pluie. Ça, c'est voilà, c'est une patinoire. Après, la pluie se calme. Tu sens au bout d'un tour que voilà, la piste commence à être de plus en plus sèche. T'adhères un peu plus. Ils te remettent un coup de pluie derrière. Ça te rechange complètement le... Voilà. Mais, alors, je sais pas pour toi, mais j'ai réussi à faire un aquaplaning, en gros, en ligne droite. Ah oui, ça m'est déjà arrivé, ça. En phase d'accélération, en ligne droite, et là, tu sais pas pourquoi, tu commences à chasser, et puis hop, terminé. Et j'ai même cru que c'était ma manette qui commençait à drifter, mais en fait, non, c'est pas ça. C'est vraiment la voiture, Et pareil, quand t'as des flaques... des fois, t'as des flaques sur la route. Faut faire gaffe, ouais. Et tu les entends. Voilà, quand tu passes dedans, ça fait vraiment le même bruit. Et puis t'as un peu ce flottement du coup de la voiture. Donc vraiment, les sensations sont vraiment top au niveau de la conduite. Donc c'est pour ça qu'il me tarde vraiment d'avoir en VR. L'accessoire ultime pour d'y jouer vraiment. Jouer. De vraiment y jouer en fait. Ça vous donner envie d'y jouer en fait. Ah ouais, non mais après, non mais il est vraiment non, cool, puis c'est vrai qu'ils vont passer tous leurs permis en plat, et puis quand ils vont arriver en VR, ils seront prêts avec toutes les bagnoles, quoi. C'est pas bête. Ah, après, à noter que je pense que l'appréciation des distances sera quand même relativement différente. Elle sera mieux. De quand on est en plat, ouais. J'espère, parce que j'avoue que dans GT Sport, j'avais un peu de mal quand même. C'était pas toujours très. Par rapport à quoi ? À l'appréciation des distances, en fait. Ah. Mais comme c'était relativement flou, si tu veux, au loin, tu voyais pas forcément toujours les virages parce que bon. Enfin, quand tu conduis justement là-dedans, il te faut des points de repère en fait. Quand tu freines, il faut que tu arrives à force de connaître le circuit, tu connais tes points de repère et tu sais où est-ce qu'il faut freiner. Et je trouvais que c'était pas hyper clair en fait, justement, quand tu jouais en VR sur GT Sport. Alors là, j'espère qu'ils auront fait un effort là-dessus, je pense. Moi, bon, je pense, hein, techniquement, de toute façon, le casque est possible, enfin, capable. Ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, donc ouais, vraiment, il me tarde d'avoir le casque pour jouer à ce jeu. Je voulais juste ajouter une petite précision parce que donc il y a eu quand même au CES l'annonce de Beat Saber et de GT7 en VR sur PSVR2. Tu voulais peut-être Il y a beaucoup de... Attends, on va juger. Tu voulais parler de quoi, Majo? Non, mais je voulais passer sur Beat Saber. Ah d'accord. Parce que justement, je suis pile au bon endroit. Non, je vous coupe pas. Non, vas-y. Attends, il y a embrouille. Attends, Steph, laisse parler les grands. L'algorithme de Dinon, Steph. Il y a embrouille. Il y a embrouille. Parce qu'en fait, tu as commencé à parler des volants, Laurent. Donc, je me suis demandé si c'était pas mieux, peut-être, de parler des volants maintenant. Ou tu avais fini avec les volants? Ah, GT7 volant. On peut faire les deux parce que non, c'était juste une petite parenthèse concernant Gran Turismo 7. Donc, après, on peut enchaîner sur les volants. C'était juste pour dire que quand ils ont annoncé Gran Turismo 7 plus Beat Saber, il y a pas mal de monde du monde de Quest 2, des fans de Quest 2, qui ont dit putain, vous êtes contents, vous allez avoir Beat Saber sur le PSVR 2, ce qui est une bonne chose. Hein, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand on commençait à dire sur le Discord que la grosse annonce c'était quand même Gran Turismo 7, il y en avait certains qui nous disaient bah non, la grosse annonce c'est Beat Saber, c'est pas Gran Turismo 7. Donc c'est là où il faut quand même remettre les chiffres quand même face à face. Beat Saber, c'est certes un super gros jeu, l'un des plus vendus sur en VR sur une niche. Donc on est peut-être sur 2 millions ou 3 millions. Au niveau des chiffres, c'est assez flou parce que Oculus nous a balancé qu'ils avaient eu 100 millions, je crois, de bénéfices sur la vente des jeux. Puis après, ils annonçaient 1 million de ventes. Voilà, c'est ça. C'est le premier jeu à avoir passé 1 million de ventes. Voilà, 1 million de ventes, on ne sait pas si c'est 2 millions, si c'est 3 millions. En face, Gran Turismo 7, c'est 90 millions d'unités vendues dans le monde depuis la création de la licence. Gran Turismo 3, il a écoulé 14,89 millions d'unités. Gran Turismo 6, 5,22 millions. Gran Turismo Sport, 8,2 millions. Et Gran Turismo 7 est déjà devant Gran Turismo Sport. Donc il est parti pour battre Gran Turismo Sport, qui a quand même fait 8,2 millions d'unités. Et puis surtout, la chose importante, c'est que Gran Turismo, c'est une licence connue de tous les joueurs PlayStation. Et du coup, c'est forcément une porte d'entrée bien meilleur pour vendre du PSVR 2 que qu'un jeu Beat Saber que les joueurs plats ne connaissent pas de toute façon. Il n'y a que les joueurs VR qui connaissent Beat Saber. Beat Saber, en fait, c'est important parce que ça permet à ceux qui jouent à ce jeu de faire la transition en gros entre leur ancien casque et celui-ci s'ils veulent en changer et passer sur PSVR 2. Donc c'est là où l'annonce est super importante parce que ça reste un jeu c'est pour ça qu'il est bien. Ça reste un jeu qui est transgénérationnel finalement, qui a pas de début, qui a pas de fin, qui a un début mais qui a pas de fin. Finalement, tu peux y jouer mais n'importe quand tu as envie de te faire un petit jeu de rip, un petit peu de cardio ou ce que tu veux. Donc ça, c'est vrai que l'annonce là-dessus, elle est importante pour le jeu le plus vendu en VR depuis le lancement de la VR. C'est quand même une excellente nouvelle. Par contre, effectivement, pour le PSVR 2, c'est bien, mais c'est vrai que la plus grosse annonce d'un point de vue technique et d'un point de vue commercial, jeu, on va dire, voilà, ou commercial, clairement, ça reste Gran Turismo 7. GT7, il écrase complètement. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur Twitter le lendemain du CES. Je sais pas, il y a dû avoir peut-être 200 ou 300 tweets concernant ces annonces. Il y avait que du GT7. Hein. Il y avait de temps en temps un petit Beat Saber qui se baladait entre deux, mais la plupart, les gens, ils ont retenu que GT7. Le dernier truc, c'est que les joueurs plats, parce que pour l'instant le PSVR s'est vendu à 5,6 millions, donc ces joueurs là PSVR, ils connaissent Beat Saber, donc y a pas de, pour eux ça va être super d'avoir Beat Saber. Par contre, si Sony veut un jour taper les 10 millions ou les 15 millions, il va falloir forcément qu'il aille chercher sa clientèle chez les joueurs plats, les joueurs PlayStation, et si on leur parle Gran Turismo, les joueurs plats ils connaissent, donc c'est ça qui va leur faire permettre de rentrer sur le PSVR 2 et après de jouer à Beat Saber. Steph, Surtout que la mage est gratuite, quoi. Enfin, sans surcoût. En plus, Steph, est-ce que tu possèdes le jeu, t'as que le casque à acheter, pardon. Steph, faut t'imposer, hein, parce que sinon tu vas pas y arriver avec les ozos. Ouais, donc... Moi, ce qui me gêne un peu dans le ce qui s'est passé, en fait, pour les 3-4 minutes qu'on a eu de PSVR 2 au CES, c'est ça ? 2 minutes. Voilà, 2 minutes. C'est pire même. Hein. 2 minutes sur 48 minutes. Tu annonces quand même un gros jeu qui est quand même énorme, quoi. C'est GT7. Ça dure 10-20 secondes et puis après tu fais tout le reste. C'est du Beat Saber, c'est un jeu Quest. Je trouve que pour l'image, c'est pas terrible. Après, c'est mon avis, attention. Hein. Ouais, mon avis de gros valeur. Mais... C'est une annonce. Ouais, t'as eu du gameplay. Enfin, c'est... Moi, ça me gêne un peu. J'aurais préféré voir, à la limite, que du GT7. Mais il n'y a pas eu de gameplay de Beat Saber sur PSVR 2. Non, je sais pas, ils l'ont annoncé. Non, il y a rien. C'était juste la photo, il a dit qu'il était fier d'annoncer une des plus grosses licences VR sur PSVR 2. Qui arrivera pas au lancement d'ailleurs, qui arrivera plus tard, on sait pas quand. Qui arrivera plus tard. Mais qui arrivera, quoi. D'accord. Moi, j'aurais préféré 48 minutes de conférence CES Et sur les 48 minutes, bah, on a eu la présentation du film Gran Turismo Sport, le film Gran Turismo tout court. Oui, on a eu par le cinéma, ils ont dû bouffer sur les 48 minutes, au moins 20 minutes sur la nouvelle voiture. Sur la nouvelle voiture en partenariat avec Sony Honda. Et par contre, vraiment ce qui nous concernait nous, eh ben, ce qu'il a dit clairement Jim Ryan, c'est « Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que l'une de nos franchises les plus légendaires sera disponible sur PSVR 2 au lancement. » Ça, je suis d'accord. « Gran Turismo, un jeu qui a vendu plus d'exemplaires dans toute la série que tout autre titre développé par PlayStation Studio. GT7 a été lancé l'année dernière et a été acclamé par la critique. Et grâce à une mise à jour gratuite, les joueurs PSVR 2 pourront découvrir le jeu comme jamais auparavant. Mmh. » donc il sera bien au lancement aussi, donc le 22 février. Hein. Oui, les joueurs sûr, PSVR 2 pourront découvrir le jeu comme jamais auparavant. Le PSVR 2 sera lancé dans le monde entier le 22 février et vous pouvez le commander dès maintenant sur PlayStation.com. Et après, il a rajouté « Et ce n'est qu'un début. Je suis heureux d'annoncer que l'un des jeux VR qui définit le média est en cours de développement pour le PSVR 2, Beat Saber. Le jeu de rythme VR primé et le plus vendu arrive sur le PlayStation VR 2. Nous aurons plus d'informations à partager dans un avenir proche. Voilà. » Moi, ça me gêne un peu. Moi, j'aurais préféré qu'il parle plus de GT7, qu'il fasse un petit peu plus de choses là-dessus. Et que Beat Saber, ça passe... Non, mais alors, c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. C'était pas un showcase. Voilà, merci. Parce que j'allais dire, du coup, ça va un peu rejoindre ce fameux coup de gueule et ce pourquoi j'ai lancé cette pique tout à l'heure. C'est que tout le monde, en fait, s'est fait. Un film. J'avoue, j'en ai un peu parlé. Enfin, je l'avais un peu dit avant. Parce que bon, on a l'habitude à force maintenant aussi. Se hyper parce que finalement, c'est pas un showcase, c'est pas un state of play. Ça reste le CES. Et le CES, quand même, si on repart en arrière, d'un point de vue gaming, il monte crescendo. Parce que la première fois où on avait parlé de jeux vidéo au CES, c'était pour avoir le logo de la PS5, souvenez-vous le tollé que ça avait fait. La deuxième fois, c'était je ne m'en rappelle plus, mais si, ils avaient parlé du PSVR. Madison Beer avec le concert virtuel qui devait sortir sur PSVR. Ils avaient aussi parlé du PSVR 2 avec le rendu faux VR, toutes les technologies. Ça, c'était l'année d'après. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça. Et ça avait pris une part un peu plus longue, un peu plus importante. Et là, aujourd'hui, voilà, on a carrément un jeu qui est présenté. Alors, ça reste, hormis Beat Saber qui est une annonce, on va dire, une petite cerise sur le gâteau par rapport à toute cette conférence du CES qui était axée sur l'automobile, finalement. C'est vrai que si on regarde, ça parle du film, Gran Turismo, ça parle de la voiture de Sony. Et dans la partie gaming, voilà, ils ont rajouté Beat Saber, mais finalement, ça restait dans le thème. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas gardé justement Gran Turismo pour faire ce qu'on parlait tout à l'heure de développement à la va-vite, etc. Non. Est-ce qu'ils n'ont pas justement gardé Gran Turismo 7 pour parler de la VR au CES et mixer en même temps voilà la partie aujourd'hui Sony ça fait du cinéma avec la technologie machin le PSVR 2 avec Gran Turismo 7 et ensuite de l'automobile aussi en vrai avec la vision de chez Sony Honda voilà. Tout ça pour dire qu'il y en a qui étaient assez énervés. On parle du Discord, mais il y en a aussi qui ont ragé sur Twitter. Bon, comme d'hab, de toute façon, parce que Twitter sert à ça. Ça a bien gueulé. Ouais. Sur le fait que voilà, on nous montre une grosse photo avec le PSVR 2 en première ligne avec marqué CES. Et c'était aussi la vignette pour l'attente de la vidéo de la conférence sur la chaîne YouTube de Sony. Et puis, on a eu 2 minutes de PSVR. Bon, ben ok. Après, alors, là, il y a eu un problème là-dessus. Non, parce qu'en fait, si tu suis finalement ce qui se passe après au CES, c'est-à-dire qu'il y a énormément de bornes avec le PSVR 2 à laisser. Qui était ouvert juste après. Donc finalement, le PSVR 2, il est quand même bien mis en avant, parce que la vision, la voiture, tu peux pas l'essayer. Le film, tu peux pas le voir. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont ramené ? Parce qu'il y a pas, ils ont pas parlé de télé, ils ont pas parlé de smartphone ou quoi que ce soit non plus pendant ce CES. Donc finalement... Ouais, qu'est-ce que tu peux essayer au CES de tout cet univers Sony de la conf, en fait, c'est le PSVR 2. Donc, mine de rien... Surtout que quand les portes de la conférence se sont ouvertes à la fin de la conférence, ceux qui y vont. Elles s'ouvraient directement sur le stand d'essai du PSVR 2. Oui, il ne faut pas oublier aussi que c'est un salon quand même le CES et que mine de rien aussi ce fait d'avoir le PSVR 2 à présenter, ce qui a donné quand même aussi l'occasion à pas mal de journalistes, d'influenceurs, de youtubeurs, principalement américains, d'aller le tester et puis proposer des previews supplémentaires qui ont fleuri ces derniers jours. Ça reste quand même au niveau de la com important et c'est quand même globalement une mise en avant du PSVR 2. Bah, c'est de la com gratuite. Bah, gratuite non, parce que ça reste quand même une place au stand, mise à disposition du matériel, oui, non, mais etc. Si ce que je veux te dire, c'est que tous les gens qui en parlent, en fait, après. Vu le nombre de stands qu'ils ont fait dans l'année, si tu veux. Ouais. Ouais. Ils ont pas dépensé grand chose. Ils peuvent s'en payer au moins, quoi. Non, mais par contre, voilà, quand même de la pub. Ils en ont parlé. C'est juste encore une fois, enfin, c'est le CES, c'est pas un salon, c'est pas un showcase ou un salon de JV. Et on se concentre plus sur la forme finalement que sur le fond. Et on s'en fout de la forme, de comment ils l'ont présenté. Moi, tout ce que je vois, c'est que Beat Saber arrive et Gran Turismo 7 arrive et terminé. Après, moi, ce que je veux te dire, c'est que. Et je suis très content de ce que j'ai vu, même si ça a duré deux minutes. GT7, c'est très bien. Je suis content pour ça. Même si je suis pas un joueur voiture. GT7, je suis content. Je suis content. non, mais bon, je suis pas un joueur voiture, moi. Donc, mais enfin, il y a un grand public pour ça. Tant mieux. C'est bien pour eux. Moi, je pense que je vais l'acheter pour jouer avec vous. T'as intérêt. Mais ah oui. Mais après, le problème qu'il y a, c'est que chaque fois qu'il y a, par exemple là, il y avait une image CES avec le PSVR 2, donc on savait qu'ils allaient en parler un peu, ça s'emballe, t'as les mecs sur YouTube qui commencent à dire c'est bon, va y avoir ça, ils sont obligés d'en parler pendant longtemps, et ça rentre là-dedans, et là après tu le fais plus sortir, la tête des joueurs, ils pensent qu'à ça. Mais donc ils se disent on va avoir du jeu, ouais, mais après, on va voir on va voir ça. Faute à... Non mais c'est la faute à qui? C'est pas la faute à ceux qui communiquent, c'est la faute à ceux qui prennent la communication. Si, ceux qui communiquent quand ils racontent n'importe quoi. Mais ils racontent pas n'importe quoi. Je suis énervé. Je suis pas d'accord avec toi pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Moi non plus. T'es pas d'accord avec toi, t'es pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Tu es en scission avec toi. Non, mais... Si on prend le problème à l'envers pour CES et qu'on se met à la place du mec au marketing qui a dû dire il va falloir forcément que je mette un visuel pour cette conférence, il allait pas mettre la bagnole de Sony Honda parce que c'était quand même le point central de la conférence. C'était l'annonce. Donc il allait pas montrer la voiture. Il allait pas montrer la voiture avant qu'elle arrive sur scène. Il allait pas montrer non plus le film parce que c'est les premières images du film, donc il allait pas montrer Gran Turismo en film avec des acteurs et tout ça. Après ils ont parlé de quoi d'autre? Il y avait deux trois petits trucs avec ils n'allaient pas mettre le stade de Liverpool ou des choses comme ça parce que les gens ils auraient alors finalement c'est vrai que au CES il y avait le PSVR2 qui était à l'essai, ils ont mis le PSVR2 et c'est vrai IP, que quand on a vu ça ouais. Comme tout le monde on a dit putain ils mettent vraiment en avant le PSVR2, ils vont parler du PSVR2 mais parce que nous on est sur les dents et surtout nous on discute que de ça, ouais, et, ben, y a et là pas je suis d'accord de choses, et là je suis d'accord avec toi Laurent, c'est à dire que faut se mettre un petit peu à la place du marketeur même de Sony ou même du CES, c'est à dire que t'as une communication, tu sais que tu vas parler et que le seul truc justement que tu peux utiliser dans ton visuel, c'est une annonce sur... quelque chose qui a déjà été fait. Sur le PlayStation VR 2. Donc du coup, tu fous le PlayStation VR 2. Ils montrent ça, ils ont raison de le montrer, ils en ont parlé, il n'y a pas eu trahison de toute façon puisqu'ils ont annoncé quand même GT7 et Beat Saber dessus. Mais maintenant, tu ne peux pas être responsable de ce que les gens et surtout de ce qui va être raconté sur Twitter, etc. Et de la hype et de la sauce qui prend sans toi. Et là, ce n'est pas qu'un problème du CES, de Sony et puis du PlayStation VR 2. C'est global. Et c'est pour ça que maintenant, les développeurs, ils osent pas, ils marchent vraiment sur des œufs pour parler de leur jeu. Parce qu'après, ça monte en mayonnaise. Après, les gens, ils commencent à fournir... des petits détails d'interviews insignifiants qui sont repris pour faire des gros titres d'articles qui sont repris dans des vidéos YouTube où après ça extrapole à fond, ça fait monter, ça fait monter, ça fait monter. Après la hype des joueurs qui écoutent justement le métal liquide de la PS5. C'est ça que je veux en venir. Hein. Ça monte encore. Ce qui devenait des rumeurs ou ce qui devenait des petites phrases sorties de leur contexte ou des petites photos justement comme la présentation, enfin comme le PSVR pendant le CES. Ça devient des petits détails, ça devient des trucs complètement incroyables qui vont être annoncés. Mis ça bout à bout, en fait, finalement, ils ont juste mis un PSVR sur une affiche parce qu'ils ont parlé d'un jeu PSVR pendant le CES. C'est tout. Et que le casque est présent au salon et que tu peux l'essayer. Et que le casque est utilisable au salon. Ils ne sont pas responsables, en tout cas, de cette hype, de cette envie et de l'imagination un petit peu de ce qu'il y a sur Internet et qui monte. Et qui, en général, en plus, maintenant, de plus en plus, parce que maintenant, les informations et surtout les mauvaises informations, les rumeurs vont encore plus vite que quoi que ce soit sur Internet. Maintenant, les gens qui communiquent ne sont plus responsables de ce qui va être dit sur leurs produits et de leurs paroles. C'est-à-dire que tu peux dire un tout petit truc, ça peut être changé... Ça peut être complètement mis hors de propos, ça peut être monté en maillot, et puis après, ça leur échappe complètement. Ça leur échappe complètement. Il n'y a plus grand monde maintenant, justement, qui a encore le contrôle sur sa communication. Hein. C'est pas évident. C'est ce que je voulais dire. Hein. Oui. C'est pas Sony, les responsables de tout ça. Moi, c'est même pas le CES, c'est même. C'est... Enfin, c'est... Non, c'est ce que personne. Je te dis, c'est les gens. C'est l'émulsion. Oui, c'est les gens. C'est les gens qui se. C'est ce que je voulais te dire. Mais le problème, c'est qu'après, là, les autres, ceux... tous ceux qui lisent, là-dessus, on commence à y croire, ils y croient. Et puis après, automatiquement, t'es déçu. Et attends, juste donc, juste une... c'est bien pour ça que je te dis, la conférence, elle était pas décevante du tout. Et juste une petite mise au point. Si tu prends le fond du truc, c'est très bien. Moi, je l'ai pas vu, bon, je travaillais. Et juste une petite mise au point, c'est-à-dire que quand je parle de ça justement et que le fait que justement maintenant la communication, les petites phrases sorties de leur contexte en fait, et ben ça peut être monté en mayonnaise sur les réseaux sociaux, je nous inclus là-dedans. Hein. C'est-à-dire que nous aussi, on est quand même spécialisés dans le PSVR, PSVR 2. Quand on a des petits trucs, on en parle beaucoup sur le Discord, tu sais, forcément on extrapole, on essaie de dire ce qu'on attend, ce qu'on voudrait. C'est un peu une discussion qu'on a en fait, même si... Voilà, sur le podcast, nous aussi, on se monte la tête... C'est pas forcément parole d'évangile, nous ce qu'on pense et ce qu'on voudrait. C'est normal. Tu vois, il faut surtout pas le présenter comme ça, en tout cas le comprendre comme ça. En tout cas, on l'a jamais montré comme ça. On n'a jamais dit que tout ce qu'on voulait et tout ce qu'on souhaitait. On a toujours mis les guillemets pendant l'émission et même sur les articles. Presque. Presque. On essaie en tout cas. On est très clair sur le fait qu'on veut plus de beaux jeux. On essaie en tout cas le plus possible. Moins de jeux autonomes. On essaie le plus possible. On est très clair là-dessus. En tout cas, on fait pas partie des plus malhonnêtes sur Internet. On l'a pas dit cette émission. Voilà, c'était juste pour faire une petite mise au point là-dessus que voilà, on s'inclut aussi dedans, mais bon, on est humain quoi. Avec des guillemets. Voilà. Mais c'est normal parce que je me rappelle à ce sujet, on a eu des longues discussions sur notre Discord. Donc si vous voulez rejoindre le Discord, vous allez sur le site et puis en haut à droite il y a le petit bouton pour aller sur notre Discord. Et c'est vrai que quand on a vu ce visuel, on était les premiers sur Discord en disant putain, ils ont mis ça en affiche. Quand même, il y a le PSVR 2, ça va parler. Et oui, au final, tu ressors de cette conférence. Il faut quand même veiller jusqu'à 2h du matin. Après tu vas te coucher, c'est 3h du matin pour. Et au final, avec le recul, tu te dis putain, on a eu GT7, c'est un truc de malade parce que celui-là on l'attendait mais il était pas officiel. Et Beat Saber aussi, c'est une super bonne nouvelle. Ouais, je suis pas un jeu musique, moi. T'es pas jeu de bagnole, t'es pas jeu musique. Qu'est-ce que t'es jeu, toi, d'ailleurs? Parce que qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais? Disons que c'est important que le PSVR 2 ait tout un tas de jeux variés pour plaire à tout le monde. J'aime les jeux d'aventure. Et GT7. Ah, mais aventure. Non, mais il en faut pour. Après, il en faut pour tout. Ah oui, oui, non, mais je dis pas le contraire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas dire en plus que finalement il n'y ait pas de tout sur les jeux qui vont être sortis au lancement. Il y a vraiment tout. Et par contre, ce qui manquait, c'était un jeu de bagnole. Ouais, oui, exactement. Ça, c'est la vérité. Ça, et on en a tous parlé. Souvent, on a dit, putain, il n'y a quand même pas de jeu de voiture. Il n'y a pas un seul jeu de voiture. Il n'y a pas un Wipeout. Il n'y a pas un Gran Turismo. Il n'y a rien. Quoi. Bah maintenant, c'est fait. Et voilà. Et sur le dernier podcast, je rappelle quand même que le CES n'était pas passé, on a quand même dit que c'était possible que ça s'oriente autour de la bagnole. Souvenez-vous. Pour en revenir au CES, globalement, à quoi faut s'attendre ? Il faut s'attendre à un petit bout de PSVR 2, forcément. Et puis, bien sûr, Sony vont certainement reparler de leur voiture Vision. Parce qu'ils ont signé un contrat avec Honda pour la production. Donc il y aura certainement une voiture sur le plateau, ils vont parler du PSVR 2, ils vont certainement parler du Metaverse, parce que quand on voit tous les exposants qui parlent du Metaverse cette année, tu te dis qu'ils vont forcément en parler. 45 minutes, ce sera, faut pas s'attendre à un truc de fou qui dure une heure sur le PSVR 2, mais déjà en 20 minutes, on pourrait découvrir pas mal de trucs, et peut-être, pourquoi pas un nouveau jeu. Dans la vidéo sur le Sonyverse, on avait parlé du e-sport. Et donc, on sait qu'en ce moment, le patron, le créateur de Gran Turismo, dès qu'on lui pose une question là-dessus, il dit à chaque fois les mêmes réponses. Hein, nous ne pouvons pas en parler. Pourquoi pas nous balancer des petites images de Gran Turismo, surtout qu'il y a la vision. Surtout qu'il y a Honda, surtout que bon. C'est ridicule. Il est dangereux de nier l'existence des dieux. Et on avait dit qu'il allait peut-être avoir le film et qu'il allait peut-être avoir aussi un petit GT7 qui allait sortir en jeu vidéo et qu'ils allaient montrer, parce qu'on savait qu'ils étaient en partenariat avec Honda pour une nouvelle Vision S qui s'appelle je sais plus comment la nouvelle, mais on avait quand même dit un petit peu ce qu'on pensait que ça allait être, et en même temps après on est parti en disant ce qu'on aimerait voir, et ça là par contre on se lâche. On est parti en suicide. Après franchement le line-up là, il y en a pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a pour toi? Ce qui est pour moi, ouais ouais ouais Parce que depuis tout à l'heure, eh, moi j'aime pas Beat Saber, eh, même moi les jeux de bagnole. Non, non, pas les Beat Saber, j'ai jamais trop aimé. J'ai essayé, hein, mais bon. J'aime pas non plus. J'ai trouvé ça exceptionnel. Ça m'a pas. Ça m'a pas fait quiller, quoi. Donc, j'ai passé des super soirées avec ce jeu en famille. Moi, ce qui me plaît, c'est Horizon. GT7, j'ai envie d'y jouer parce que je pense que ça va être quand même pas mal. Walking Dead, celui-là, il me plaît bien en fait, parce que j'ai bien aimé le premier. Comment il s'appelle ce jeu-là? Ils ont fait le premier Until Dawn, là. Switchback. Ah, Switchback. Voilà, Switchback, celui-là, c'est sûr. Et je vais c'est sûr et certain, celui-là. Ouais, celui-là non, non, il y en a, franchement. Ouais. Star Wars, c'était lequel obligé. Lequel? Ah, mais non, tu l'as déjà fait, toi, le Tales from Galaxy Edge. Je l'ai fait. Mais je vais. La pizza réchauffée, tu veux dire? Ouais, non, bon, je le prendrai. Et comme carré. Ça, on fera un comparatif. Voilà. Celui-là, on fera un comparatif. Ah bah ça, on aura un truc à grailler, quoi. Voilà. On verra combien de poivrons ils ont rajouté dessus. Ouais, pas grand-chose, à mon avis. Ça va être tout feignant encore. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Bon, bah en tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on a eu de quoi grignoter. Et puis surtout, on a quand même pas mal de choses à faire quand le PSVR 2 sortira. Les fans de jeux de bagnole et de simu de qualité, parce que on insiste, c'est vraiment un jeu de qualité, ont de quoi être contents. Niveau conduite, il est top. Ils auront de quoi faire. C'est un jeu amusant. Et même si t'es pas un fanat de jeux de bagnole, voilà, même niveau de contenu, mais même si t'es pas un gros fou furieux de la simu, t'as moyen de t'amuser en plus dessus parce qu'il est suffisamment adapté à tous les joueurs. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de paramètres d'aide en fait. Si vraiment t'es nul, en fait tu peux te contenter d'accélérer et de tourner un peu le volant et la voiture elle freine toute seule. Elle conduit toute seule. C'est une voiture électrique quoi, tu vois. C'est le même principe. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc pour le coup, oui, effectivement, même si t'es nul, que t'y arrives pas ou quoi, y a quand même moyen de jouer à Gran Turismo. De te battre, peut-être. Même si on est nul, peut-être, avec toutes les aides qu'on aura. Peut-être. C'est vrai que je sais pas si t'as toutes les aides en multi. Ah, c'est une excellente question, ça. Tu paramètres ta course pour pouvoir mettre les aides ou pas, autoriser les aides, autoriser les touchettes, autoriser... Il va les autoriser, de manière. Tout autoriser, ça va être la guerre, ça va être super. Ben oui, évidemment. Parfait. Est-ce qu'on passe aussi maintenant à l'annonce... Les volants. Au volant. Ah, tu veux faire les volants, du coup. Ok, très bien. Attends qu'on est dans les bagnoles, mais rapidement. Allez, on a fait un article rapide sur le site, un article qui va devenir une page. En haut dans le menu, on a rajouté accessoires PSVR 2, dans lequel, dès qu'on aura des accessoires, on rajoutera là-dedans les différents accessoires du PSVR 2. Cet article, on a essayé de regrouper un petit peu tous les volants possibles qui étaient compatibles avec la PS5, en partant du volant en plastique style WeWheel à 15€, en allant jusqu'à des volants qui tournent autour des 1500€ avec le pédalier. Donc il y a toute une gamme, il y a 11 volants en tout, des marques, il y a Thrustmaster, il y a le Ori, il y a le Logitech, et puis bien sûr la Rolls-Royce, le Fanatec. Et donc, si vous êtes en train de vous poser des questions en disant putain mais moi j'aimerais bien avoir un volant, ça regroupe toutes les propositions actuelles avec une petite explication pour chaque volant pour vous dire ce qu'il a bien, ce qu'il n'a pas bien. T'as plusieurs niveaux. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est toujours les prix sont différents, donc forcément 700 balles, ça va te faire sauter au plafond. Par contre, la technologie embarquée n'est pas du tout la même entre un volant à 700€ et un volant à 200 balles. Et ce qui est très important, c'est que ces moteurs, en fait, fonctionnent avec soit par courroie. Donc la courroie, elle peut s'user, il va falloir les changer. Par contre, l'avantage de la courroie, c'est que c'est très très souple. Après, tu en as d'autres, une gamme au-dessus, c'est plus fragile hein, la courroie. Après, tu as la gamme au-dessus où c'est des engrenages, mais le problème des engrenages, c'est que c'est assez raide, assez sec et ça fait du bruit. Au bout d'un moment, ton volant peut faire du bruit de craquement. Et surtout, les moteurs doivent être refroidis par des ventilateurs. Donc, il peut arriver d'avoir certains volants qui font un bruit de ventilo et qui sont au bout d'un moment un peu chiants. Et puis, après, tu as les haut de gamme. Donc, c'est la troisième possibilité où là, tu as des casques à partir de 700€. Des volants. Comme le Fanatec. Des volants. Deux volants, ouais. Des casques. Et qui... Oui, de volant, oui, je suis bête. Et donc le Fanatec GTDD Pro, lui, il a un véritable direct drive intégré, ce qui veut dire qu'il n'y a ni courroie ni engrenage, et ton volant est directement fixé sur le moteur. Donc du coup, au niveau des précisions, alors déjà, c'est super robuste, et puis surtout, au niveau de la précision, ça offre plein de petites variantes, parce qu'on n'en est plus à avoir un retour de force quand on est dans un virage, on en est aussi à ressentir, à avoir de l'aptique sur un volant, ou à ressentir le grain de la route, et les petits sautillements dans ton volant. Ou les flaques. Ou les flaques, ou les gouttes d'eau qui tombent aussi. Les intempéries, tu peux le ressentir aussi. Les gougouttes. Mais bien sûr, t'as les chocs, t'as tout. Donc après, c'est des casques qui sont relativement chers, mais à savoir un casque direct drive jusqu'à présent. Logitech, on en proposait un, c'est celui qui est à 1 500 €. Et là, Fanatec arrive avec un direct drive à 700 balles. Donc, pour la technologie embarquée, il est vraiment pas cher celui-là. On s'en fout, on gagne rien en vendant des volants, nous. Justement, je pense qu'il faudrait peut-être prendre contact avec Fanatec, Logitech, etc. pour leur proposer des tests peut-être de VR4 Player sur différents volants. Ah ouais. Ils nous en offrent 5 et puis on fait une vidéo. Moi, je suis prêt à faire une putain de vidéo, hein, y a pas de problème. Logitech, pour mais racing, là, c'est vrai que. C'est vrai que si tu pars vraiment sur du haut de gamme, tu as par exemple le Thrustmaster TGT2 qui est à 740 €, qui lui est encore à courroie, à double courroie, mais c'est toujours de la courroie. Donc c'est des technologies qui sont vieilles de 10 ans et ils se permettent de vendre des casques à 740 balles, alors que là, le Fanatec, il défonce tout sur son passage. Des volants, c'est... pas des casques, des volants. Des volants. J'ai encore dit casque ? Que oui, t'as dit casque. Tain, dis donc, ouais, mais à force de parler toujours de casque, c'est la première fois qu'on parle de volant. Donc bref, allez faire un tour dessus et puis vous verrez si vous cherchez un petit peu. Là-dedans, ben, j'espère que vous trouverez votre vie dans tout ça, dans cet article. Voilà. Parce qu'on ne répétera jamais assez, mais en tout cas, un jeu de bagnole avec un volant retour de force, même un truc voilà, léger, hein, mais ça fait vraiment la différence. Hein, mais vraiment. Pour info, pour ceux que ça intéresse, hein, j'ai le G29 de chez Logitech. Alors, tu parles du G29 et du G923. Oui. Si je dis pas de bêtises, en fait, c'est les mêmes, sauf que le G29, c'est la version estampillée PlayStation, et le G923, c'est la version rien du tout. Non, le G29, il existe plus, en fait. Il a été retiré, et quand le G923 est sorti, il s'est fait fracasser par la communauté pro-automobile, parce que justement, le nouveau modèle apportait quasiment rien de plus que le G29. C'est pour ça que je te dis, c'est quasi le même. Et donc le G29, du coup, que vous pouvez trouver très très régulièrement en promo sur les différents sites Amazon, Cdiscount. Bah, si, il apporte un truc. Tout ce que vous connaissez. Il apporte un truc quand même non négligeable. Le G923, c'est 100 balles de plus. Hein. Ouais. 100 euros de plus. 400. Et le revêtement peut-être du volant qui est un petit peu différente, des couleurs non, en c'est moins. Pareil, c'est du cuir. Voilà. Non, la grosse différence entre le G923 et le G29, c'est que le G29 reste un courroie plus engrenage en gestion de la direction. Et il est très bien. Et le G923, ils ont refait toute la technologie. C'est la technologie TrueForce. C'est un retour de force à deux moteurs à engrenage par rapport au G29 qui, a une courroie plus un engrenage. Et du coup, c'est vraiment ça la différence, en fait. Ça se verra pas de l'extérieur, en fait. D'accord. Ok, bon, bah en tout cas, il y a tout à retrouver sur le site avec un dossier quand même bien complet. Différentes gammes de prix, différentes recherches selon vraiment ce que vous recherchez dans un jeu de bagnole. Si vous avez les moyens, c'est vrai que c'est mieux. Voilà, et je pense que quand il y aura possibilité. Il y en a pour tous les prix. Quand il y aura possibilité goûts, de faire GT7 en VR, bah, il va falloir peut-être y songer. En tout cas, ça, c'est toujours mieux comme ça. Ok, et ben, est-ce que maintenant on peut passer justement à la communication qu'il y a eu récemment de Polyarc sur MOS 2, une annonce complètement incroyable. Qu'est-ce qui va en parler? Ne vous battez pas. Steph, vas-y. Non, je veux pas en parler. Je veux réagir, moi. En parler, non. Moi, je veux râler, moi. C'est le site Real au Virtual, Real au Virtuel qui a eu l'occasion de pouvoir interviewer le directeur du design.com, ouais, Real au Virtuel.com, qui a interviewé le directeur du design de Polyarc, Josh Stix. Oh nom de Dieu, Stixma. Oh merde, j'ai dit nom de Dieu. Oh merde, j'ai dit merde. Pardon, YouTube. On est mal. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc il nous parle de la version qui va arriver sur le PSVR 2. En gros, il nous annonce clairement que le jeu sera. Donc, le journaliste leur a posé la question de quelle version sera inspirée la version PSVR 2. Ce ne sera pas la version Quest 2, mais la version PCVR. Il y avait quand même quelques différences entre la version PCVR et Quest 2, notamment sur beaucoup de détails quand on voit par exemple les fougères. Donc, sur l'article, je vous ai mis un petit diaporama qui compare la version Quest 2 à la version PSVR. Demos 2. On voit les. Demos 2, hein, oui, Demos 2. Alors, entre casque et volant, maintenant, ça va être. je vais me planter. Sur MOS. Donc on voit quand même que la version PC est plus aboutie que la version Quest 2, donc c'est une bonne chose pour la version PSVR 2. Par contre, il commence à préciser un petit peu tout le travail qui a eu lieu sur ce MOS 2, en précisant qu'ils sont quasiment repartis à zéro. Il disait que le gros avantage de ce portage, c'est que vu que MOS 2 est développé sur Unreal Engine 5, il a bénéficié du moteur justement pour faciliter son portage sur PSVR 2. Et apparemment, il y a pas mal d'outils qui permettent d'assez facilement rajouter les retours haptiques, les retours sensitifs, les choses comme ça. Ils ont travaillé aussi sur Kill, qui va vous regarder de temps en temps, et grâce à l'eye tracking, et ben il y a des moments dans le jeu qui ont été rajoutés où c'est qu'il y aura une interaction avec Kill grâce à l'eye tracking. Bien sûr, le rendu fovéal qui leur a aussi servi à rajouter beaucoup de textures, donc il y a eu du travail au niveau des textures, des améliorations, des éclairages également. Donc ça, on le revoit un petit peu sur beaucoup de jeux, notamment Star Wars, on en parlait tout à l'heure. Il précise aussi qu'il disait que ça servait à rien de rajouter en permanence des vibrations ou des retours haptiques permanents, et qu'ils ont préféré les rajouter à des endroits très précis. C'est pour ça qu'ils ont recommencé le jeu à zéro, pour voir sur quelle scène, par exemple, s'il y a un géant qui arrive, c'est au moment où son pas va toucher le sol qu'il va falloir que ta manette ou que ton casque vibre pour rétribuer cette sensation de gigantisme qui arrive en faisant vibrer au bon moment. Donc il y a quand même eu du travail, et ça c'est le truc qui m'a marqué, c'est qu'il précise quand même plusieurs fois qu'il y a eu beaucoup de travail sur MOS 2, ce qui voudrait dire qu'il ne faut pas trop s'attendre à une version gratuite à mon avis. Moi, ce qui me en général, quand il commence à dire qu'il y a beaucoup de boulot, ce qui me fait dire que moi, quand ils disent que ça sera plus proche de la version PCVR que de la version Quest 2, j'ai envie de dire heureusement. Mais ouais, sachant qu'on en a déjà discuté, normal. On a même fait des comparatifs sur VRAC de MOS 1 et MOS 2. MOS 2 est techniquement plus léger que MOS 1. Il faut se souvenir de ça. C'est-à-dire que la version de MOS 1 sur PCVR est plus belle. Pas surtout. Est plus belle, pas surtout, mais globalement plus belle et techniquement non, sur certains détails, plus pointue que MOS 2. MOS 2, j'y ai rejoué juste avant l'émission là, parce que j'ai un petit peu de temps. Il reste incroyablement beau globalement. Hein. C'est-à-dire que ça reste net, même si certains décors en arrière-plan peuvent être un petit peu bitmap très très très très léger avec une résolution très très faible, notamment dans la serre, c'est là où j'en étais. Tu regardes derrière la serre, en fait, c'est une espèce de. Enfin, tu vois des gros pixels, quoi. C'est vraiment dégueu. T'as certains décors dans des lieux qui sont plutôt éclairés, tu te retournes, t'as un espèce de gros trou noir. T'as plus de décor. Sauf sur certains, enfin, dans certains lieux qui sont un petit peu sombres, genre t'es dans le fond d'une grotte, je comprends tout à fait que derrière ce soit noir et qu'il n'y ait pas de décor, il n'y a pas de problème. Là, dans certains lieux, certaines salles, en fait, tu te retournes et tu te rends compte qu'il n'y a rien qui a été texturé et c'est juste, t'as rien. T'as absolument rien. C'est un petit peu dommage. T'en as d'autres, au contraire, quand tu vas un tout petit peu plus loin et que tu arrives dans des grottes qui sont très très très vastes et très lumineuses, justement, tu te retournes, t'as ton air de jeu. Donc où ça va à 2 mètres maximum, tu te retournes, t'as une caverne immense que normalement t'es même pas censé voir parce que t'es pas censé te retourner. Et quand tu te retournes, t'as une surprise en fait, tu vois des chauves-souris qui sont en train de voler dans tous les sens. Tu vois que la grotte elle va super loin, t'as des haillons lumineux dans le fond. Y a des passages qui sont très très travaillés, d'autres qui sont vraiment torchés quoi. Très bizarre, très inégal. Et donc le fait qu'ils disent que ça sera plus proche de la version PCVR que Quest 2, et qu'en même temps ils vont quand même beaucoup retravailler, je pense que justement ils vont retravailler un petit peu aussi tous ces petits détails qui faisaient que le jeu était plus perfectible que le premier. En tout cas c'est ce que j'espère, hein. Donc voilà. C'est ce que je comprends en tout cas dans cette déclaration. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, pareil. Ils ont beaucoup insisté sur, ben, bien sûr, toutes les options de la DualSense et tout ce que, puis, des Sense plutôt, pas de la DualSense. Je confonds tout aujourd'hui. Hein. Et le rendu, ouais, putain, j'ai du mal. Le soir, je suis en meilleure forme. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. ils ont insisté sur le rendu fovéal aussi. Alors, pour un jeu Quest, il n'y en aurait pas forcément besoin, surtout en tournant sur une PS5. Sur PC, il n'y a pas de rendu fovéal non plus. Donc ils ont insisté que le fait qu'il y ait le rendu fovéal, ça leur a permis de rajouter, de changer des textures. Donc ils vont peut-être retravailler quand même certaines zones qui étaient un peu faiblardes. Ouais. On est pressé. Je suis content de ne pas l'avoir joué. La dernière fois, on en rigolait. J'avais mis MOS 2 parmi les meilleurs jeux sans y avoir joué. Mais je suis content d'avoir fait l'impasse sur MOS 2 parce que je vais vraiment le découvrir sur PSVR 2 et c'est ce que j'attendais en fait. Parce que vraiment, même sur PC, hein, d'ailleurs, on le voit sur la vidéo de comparatif qu'on a fait avec Elroco. Tu regardes même en plein milieu de ton écran, tu as des textures qui sont vraiment très très très moches hein, sur MOS 2, hein, même sur PC. Hein. Dans le décor, tu vois des espèces de vitraux, c'est un bitmap qui a été collé, c'est un truc tout. Quand tu vois que. Je l'ai à peine commencé. Donc, tout raide, voilà. Non. Mais il reste quand même globalement magnifique, quoi. Vraiment. Ouais, moi ce que j'allais dire, moi il m'avait surpris quand même par le global. Hein. Ouais, globalement il est magnifique. Hein. L'ambiance. Mais j'avais. Et surtout les arrière-plans, quoi. Enfin, je trouvais qu'il y avait plus d'animation, plus d'ambiance sur ce qui était. Sur l'ambiance globale en fait de l'environnement dans lequel t'évolues, je la trouvais bien meilleure en fait que sur le premier MOS. Plus vaste. C'est vrai qu'après faut pas se laisser avoir non plus par le souvenir, c'est-à-dire que ça embellit toujours un petit peu les choses. Et quand on avait découvert MOS 1, on a eu le waouh, certaines cavernes, certains lieux qui sont vraiment grandioses. Ça, c'est resté imprimé dans la mémoire des joueurs. Mais il y a un petit level up quand même au niveau de l'ambiance, au niveau du level design et du game design et du design même général dans MOS 2 hein, et de l'intérêt du jeu aussi. Mais il y a un petit manque de finition quand même de temps en temps. Oui, bien sûr. De toute façon, on l'avait dit, on l'avait dit dès le départ. Et ça, techniquement, ça n'utilisait pas le plein potentiel des machines sur lesquelles elles tournaient. Tu restes sur un jeu autonome à la base. C'est ça. Mais ça se voit d'ailleurs quand j'avais fait, quand je l'avais essayé sur mon PC portable avec la 1050 Ti, MOS 2. Galère, je suis obligé de le mettre en moyen parce qu'il ne tourne pas en ultra. MOS 2, il tourne en ultra, il est plus propre. MOS 1, du coup, ne tourne pas. MOS 1 ne tourne pas, voilà. Ah, tu vois, hein, toi aussi, tu te plantes. On n'a pas l'habitude d'enregistrer l'après-midi, c'est pour ça. On n'est pas suffisamment fatigué. Et voilà. Donc, ouais, et MOS 2 ne tourne pas. Et MOS 2 tourne très très bien. Non, c'est l'inverse. Non, c'est pas l'inverse. MOS 1, il a du mal. Compris, MOS 1, ah oui, c'est ça, oui, pardon. Il tourne pas en ultra. qu'est-ce que je vais dire ? Je vais contraire et vice versa. On va aller se coucher. On va se coucher. On va se coucher parce qu'on est en forme à partir de minuit, en fait. Excusez-moi. Bon, vous avez compris, quoi. En gros, il est plus vraiment MOS 1 que MOS 2. Voilà. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si c'est très intéressant en même temps. Puisqu'on voit dans quel sens il a été développé. Bon, après, on l'a déjà dit. Oui, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé voilà. cette émission. Donc, Moi, j'ai très peu joué. Alors, donc, quoi qu'il en soit, MOS 1 et MOS 2 restent des incontournables en réalité virtuelle. Oui. Et ceux qui n'ont jamais eu le PSVR ou jamais eu de Quest 2, foncez. Ce sera un super jeu à faire absolument. Quoi. Autant foncez. Le 1 que le 2. Foncez, pauvre fou. Ouais, même le 1, il tue. Je me le suis refait, je l'ai rushé. C'était un gros plaisir. Le 1 est très bien. Ouais. Ah oui, ça a été claque sur claque pendant le test sur le 1. J'avais halluciné, j'avais dit putain. Ouais. Donc là, oh merde, j'ai dit putain. Ouais, va falloir arrêter Lolo parce qu'on va avoir des problèmes. Ah, mais je veux voir, je teste l'algorithme. Non, parce que bit nichon couille, je l'avais pas encore dit, maintenant c'est fait. Voilà, si tu veux le tester, tu demandes à Stéphane. Pas de problème. On va voir si on perd un euro. Si on perd un euro. Punition, un euro, comme avec les enfants. Dès que tu dis un gros mot, tu donnes un euro. Voilà. Ok, et eh ben c'était tout pour MOS 2, je pense. Du coup, messieurs. Oui. Est-ce qu'on parle de Retribution ou est-ce qu'on considère qu'on en a déjà parlé en début d'émission? On peut. Très peu. On n'a pas dit que ça sortait en boîte, version boîte. Mmh. Joe, vas-y. Ouais. C'est la partie. Du coup, on a vu que quand même, il n'y a pas énormément de, notamment Horizon, il n'y a pas énormément de jeux qui sortent en boîte, donc sur ce PSVR 2, pour ne pas dire aucun. Et en fait, c'est donc Just for Games qui est un éditeur français pour ceux qui ne connaissent pas, dont notre ami Elroco fait souvent la promotion et qui nous du coup permet d'avoir une version boîte donc de Retribution, donc le chapitre 2 de The Walking Dead Saints and Sinners, donc il y aura une version boîte PS4 et PS5, ce qui nous a aussi permis de voir à quoi ressembleraient les visuels des jeux PSVR 2 sur PS5. Et donc ils proposent ça au prix de 50€ avec le jeu, nouveau schéma d'armes, le plan de la boom. Alors c'est un fusil à pompe, alors je connais pas du tout l'environnement, ou pas trop du moins l'environnement de Retribution. Une étagère cimetière, 10 cartes postales, donc c'est une petite version collector. Et puis voilà, donc c'est à souligner, le premier jeu boîte PlayStation VR 2, ça sera Retribution, et c'est chez Just for Games. Voilà. Petite précision, donc est disponible le 25 avril. Le 25 avril 2023, ce sera la version boîte, et le jeu lui-même sortira le 21 mars 2023, donc il ne sera pas au lancement du PSVR 2, mais le 21 mars. Ouais. D'accord. Comme toutes les versions boîtes maintenant de jeux qui sortent uniquement des maths. Voilà. Ceux qui sont un peu collectionneurs comme nous, qui aiment bien sentir l'odeur de la boîte neuve quand on l'ouvre. Du plastique. Ouais. Si vous aimez la boîte, on vous invite à aller lire l'article de El Rocco, qui est notre spécialiste du physique chez VR4Player, et qui va de temps en temps comme ça faire des articles concernant les sorties physiques. Il fait du unboxing. Également... Ah oui, unboxing. Et puis je vous rappelle également que sur la page PSVR 2, il y a aussi un petit onglet pour trier les jeux qui sont sortis en boîte, qui sont prévus en boîte. Alors pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais on va modifier la page régulièrement pour remettre à jour. Et puis si vous voulez savoir si le jeu est sorti en boîte, il suffira de cliquer sur le petit bouton physique pour savoir lesquels de tout le catalogue sont en boîte. Après, il ne faut pas être feignant et se lever pour mettre le disque quand même, hein. C'est sûr. C'est un autre problème très contradictoire, parce que les gens qui me disent je prends que en démat parce que j'ai la flemme de me lever, clairement, mais qui à côté me disent moi je veux jouer à Beat Saber en PSVR 2, tu vas rester debout tout le long, mon coco. C'est ça, et tu vas bouger les bras beaucoup plus qu'en mettant ton disque dans la PS5. Donc voilà. Si on est fainéant, qu'on ne veut pas se lever pour changer un CD, on ne joue qu'à des jeux dans le canapé en VR. On joue à Calaf en plat. Et voilà, c'est tout. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'est bien que tu aies redit tout ça, Laurent, parce que il faut souligner que VR4Player existe en tant que site, que dessus vous pouvez trouver toutes les fiches, vous pouvez trouver tous les contenus, vous pouvez trouver tous les dossiers, vous pouvez trouver tous les liens possibles, imaginables. Si vous avez besoin d'informations sur le PSVR 2, tout sur un seul site. Je pense qu'en termes de mise en page, mise à jour sur les jeux PSVR 2, ça va être le top. Il y a tout dedans et c'est régulièrement mis à jour. Quand on a des informations sur des jeux qui sont vraiment officialisés par Sony, et du coup ça change de... Ça change d'onglet et ça va directement dans les officialisés par Sony. Au niveau de la base de données. C'est bien mis en page aussi. Voilà, c'est bien mis en page et la base de données est nickel. Je veux dire, Laurent, il se casse le cul pour vous et pour nous. Et donc, ce n'est que justice que d'y aller pour le consulter. En tout cas, ça pourra que vous vendre service. Et puis, les liens directs vers le store, etc. On en a déjà discuté. C'est tip top. Et puis, voilà. Qu'est-ce qu'il se sent de faire le point promo du podcast, du site, tout ça, parce que moi ça me saoule. Majo, t'es chaud? Steph? Ah oui, vous pourrez retrouver le podcast sur toutes les... j'avais pas le choix. Vous pouvez retrouver le podcast donc sur toutes les plateformes de podcast habituelles, donc Deezer, Spotify, PodCloud, iTunes. Pensez à laisser des petits messages, noter le podcast parce que ça nous aide pour le référencement comme d'habitude. Il y a aussi la version vidéo donc sur YouTube, où également vous pouvez nous lâcher des likes, des commentaires si vous avez des choses à dire. C'est toujours pareil, on interagit avec vous, on vous répond. Longtemps après parfois, mais on répond. Des petits likes, des petits messages. On vous aime, vous êtes beau, continuez à rager, on adore ça. Tout ce qu'on aime. Et puis le site donc de vr4player.fr, où comme l'a dit Say, vous retrouvez tous les contenus, les articles promos, qui d'ailleurs se termine bientôt pour les promos de janvier. Donc si vous n'avez pas encore craqué pour certains jeux PSVR ou de futurs jeux PSVR 2, puisqu'il y en avait aussi, c'est le moment. Et puis, la chaîne Vrac, voilà, qui pour l'instant est un peu amorphe, mais qui a quand même eu un peu de contenu la semaine dernière avec deux unboxings, notamment des versions boîte de... J'ai oublié le nom, Swordsman et Hatsune Miku. Voilà. Et des donc, unboxings qui ont le bon goût de ne pas être chiant, parce que moi en général je trouve ça chiant, mais il arrive à me donner une personnalité à ses doigts et à ses mains, Elroco. J'avoue. C'est assez incroyable le talent de cet homme-là. On va savoir ce qu'il fait avec ses doigts. Avec ses doigts, il y a beaucoup de talent. Après, des miracles. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Demande à sa femme. Et puis voilà. On va se faire striker. Oh bah là, on est foutu là. On va être en négatif en revenu là. Il va falloir qu'on paye Google. L'algorithme, ça fonctionne aussi avec les images ou pas? Je sais pas. On fait des tests. Le problème, on vous c'est dira, que, on vous dira. Après, avec Elroco, on peut se retrouver vite fait avec un toucher rectal aussi. Alors, il y a des mollo. Il est très bon avec ses doigts. Voilà. Après, tu as fait ce que tu veux. Donc voilà, mais pour la promo, pensez à venir voir. Enfin, de toute façon, il y a tous les formats que vous voulez chez Vert for Player. Vous pouvez, il y en a forcément un qui va vous intéresser et vous plaire. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, j'ai fini pour la promo. Est-ce que tu veux que je fasse la clôture aussi? Merci Majo, merci infiniment de faire ça pour moi parce que en plus t'es meilleur que trop moi. Fatigué. Donc voilà, je suis trop fatigué. Il est quoi? Il est 4h16. Il est jeune. 16h16, ouais, c'est chaud. On vous remercie. Est-ce que tu as dernier mot, Laurent? Et oui, un mot. 40 jours, 7 heures, 42 minutes, 57 secondes. C'est pas un mot, mais c'est pas grave, c'était parfait. Majo, un dernier mot. À la semaine prochaine. Enfin, non, à dans 15 c'est jours. Pas non plus un mot. Steph, un dernier mot. Je suis pas tout le temps de mauvaise humeur, hein, merde quoi, voilà. C'est pas un mot. Eh ben, c'est pas grave. Dernier mot. Putain, chocolatine. Merci. Voilà, c'est beau. On vous dit à dans 2 semaines. On vous remercie encore de nous avoir suivis. On se retrouve pour plein de bonnes choses. Voilà, le compteur est en train de tomber au fur et à mesure. On est à 2 doigts d'avoir ce putain de casque sur la tête. Ça fait plaisir. On sera là, en tout cas, pour en parler, pour vous donner nos retours. D'ici là, dans 2 semaines, on vous fait des gros bisous et à ciao. Ciao, ciao. Ciao.